Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, l'émission 100% Formule 1 sur NextGen Auto. On est ensemble ce soir pour débriefer le Grand Prix d'Espagne qui a eu lieu ce week-end. Première manche d'une triple course qui nous emmènera ensuite en Autriche ce week-end et à Silverstone le week-end prochain. Grand Prix d'Espagne remporté par Max Verstappen devant Lando Norris qui avait signé la pole et Lewis Hamilton 3e pour le 2e podium de suite de Mercedes. On est 3 ce soir pour débriefer le Grand Prix avec moi Alex. Salut Alex, ça va ? Salut, ça va. Donc on a vécu un bon Grand Prix de Barcelone, assez classique, mais avec pas mal de suspense, ce qui montre que cette saison est très serrée, puisque même le Grand Prix d'Espagne était intéressant à suivre. Et oui, c'est vrai que c'est pas toujours le cas. On a eu beaucoup de courses d'Espagne qui étaient un petit peu pénibles. Ça, moi, j'ai trouvé que c'était quand même mieux. On avait eu des éditions bien plus pénibles. Et avec nous aussi, également, pour en parler ce soir, Franck. Ça va, Franck ? Bonsoir. Bah, écoutez, ça va très bien. Prêt pour ce débat entre les bleus, les oranges, les rouges et les argents. Pas de majorité absolue encore sur ce Grand Prix-là. Pas mal de voix qui se dispersent. C'est intéressant pour la suite du championnat. Et oui, ouais, c'est ça. C'est vrai que là, ça va être. Je pense qu'on s'attendait en fait à ce que Red Bull domine hein, clairement sur cette course sur un circuit qui était normalement plus favorable à la RB20. Ça n'a pas été le cas. Finalement, Max Verstappen a été battu pour 20 millièmes de seconde en qualif par Lando Norris qui a fait sa deuxième pole en carrière. On a retrouvé les deux Mercedes sur la deuxième ligne et deux Ferrari sur la troisième ligne et on en reparlera plus tard dans l'émission, les Alpine en quatrième ligne et en course, bon, c'est vrai qu'on a eu une lutte entre les deux pilotes qui avaient fait la première ligne en fait, où les deux se sont retrouvés vraiment devant quand même le reste de la compétition. On a eu un duel un peu à distance entre Norris et Verstappen parce que c'était aussi beaucoup stratégique et notamment dû au départ, ça on en reparlera. Et donc Max Verstappen qui remporte malgré tout la course, hein. C'est vrai que c'est un peu la tendance récemment, même quand il gagne c'est de peu, mais il arrive quand même à faire la différence, comme on l'a marqué dans le titre de l'émission, enfin dans la miniature, c'est quand même la pression monte sur Verstappen. De toute façon on va pouvoir commencer directement à parler de Red Bull, hein, puisque c'est le sujet principal au départ. Donc Max Verstappen termine premier, Sergio Perez 8e après s'être qualifié 8e mais être parti 11e à cause d'une pénalité qu'il avait reçue au Canada. On se rappelle qu'il avait roulé avec un aileron arrière cassé et que la FIA avait dit que c'était trop dangereux et avait donc mis 3 places sur la grille pour la course suivante. Sergio Perez qui fait son première apparition en Q3 depuis 4 courses puisqu'il avait fait, il avait raté pas mal de qualifs avant. Et qui malgré tout part hors du top 10 et puis ne marque que 4 points, mais pour l'instant Red Bull contrôle tout. En tout cas au championnat, les deux championnats sont sous contrôle pour l'instant. Toi Alex, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que tu vois quand même Red Bull se faire de plus en plus battre ou est-ce que ce Grand Prix d'Espagne c'est un peu rassurant pour montrer qu'ils sont quand même toujours la première force ? Ah ben, je pense que ça montre que est-ce qu'ils ont toujours la meilleure voiture à Barcelone ? Avant Barcelone on pensait qu'ils auraient la meilleure voiture et ce qu'on a vu c'est que la RB20 se fait battre hein, par la McLaren à la régulière, enfin par la McLaren Norris à la régulière, alors même que Perez avait donné l'aspiration à Verstappen en Q3, donc il y avait même un petit avantage encore pour Verstappen. Et malgré ça, Norris a battu Verstappen de 20 millièmes. Non, ça montre qu'il y a match, très clairement, entre le McLaren et Red Bull, mais c'est surtout entre Verstappen et Norris, en tout cas pour ce Grand Prix de Barcelone. Ça montre aussi que, en fait, ça va rendre sûrement ce titre 2024, s'il le remporte, bien plus beau, finalement, bien plus arraché pour Max Verstappen, parce que même sans avoir... la meilleure voiture, en tout cas de loin la meilleure voiture qui est l'an dernier, eh bien Red Bull a tout fait bien de manière opérationnelle, la stratégie, le départ, les arrêts au stand, c'était excellent, le pilotage bien sûr de Verstappen, et on est ravis de voir Verstappen gagner des courses comme ça à l'arraché, montrer son talent évidemment incroyable et fantastique, donc ça rend la saison plus belle, ça rend les victoires de Verstappen beaucoup plus plaisantes, hein. C'est vrai que quand on regarde les résultats à l'extérieur, on peut dire là encore une victoire de Verstappen, bah non, c'était beaucoup plus serré, Norris finit à 2 secondes, voilà, le spectacle, donc la valeur peut-être hein, du titre, on sent plus beau, et puis voilà, on voit tout simplement la différence absolument exceptionnelle que fait Verstappen, c'est là où le pilote hein, fait vraiment la différence cette année avec des performances qui se rapprochent, hein. Il faut voir la différence qu'il y a eu cette semaine encore entre Verstappen et Perez, ou même entre Norris et Piastri. Donc voilà, Red Bull n'a plus la meilleure voiture, et peut-être qu'ils ont toujours la meilleure pilote. Alors c'est vrai que c'est 6 dixièmes d'écart en qualif entre Verstappen et Perez, là où les pilotes Mercedes sont séparés par 2 millièmes et les pilotes Ferrari par 5 millièmes. Donc on voit le problème d'avoir un pilote qui est en retrait. Piastri, malheureusement, n'a pas pu faire de chrono. Puisqu'il a fait un premier chrono en pneu usé qui a été annulé et son deuxième chrono il fait une erreur, donc c'est sa faute à lui, mais on ne sait pas exactement où il aurait pu finir avec un chrono, en tout cas il aurait sûrement été plus haut placé. Moi, c'est vrai que alors, la Red Bull, je l'ai trouvée, elle est toujours pour moi la référence, c'est-à-dire que Verstappen passe deuxième au départ. Alors, il était déjà deuxième, mais en fait, c'est Norris qui perd deux places et Russell qui en gagne deux. Verstappen est deuxième. Au deuxième tour, il dépasse la Mercedes pour prendre la tête. Et de là, il fait comme il avait déjà fait à Imola, notamment, un très très gros premier relais pour prendre de l'avance et ensuite pouvoir gérer sa course. Et j'ai lu beaucoup de gens dire que la McLaren était beaucoup plus, enfin, était maintenant la voiture la plus performante en course. Et je suis d'accord qu'elle est la plus performante à vide sur les derniers relais. On voit toujours que Norris remonte comme une balle à chaque fois, mais c'est aussi parce qu'il a souvent des stratégies un peu décalées. Mais je trouve que globalement, sur l'ensemble d'une course, je ne suis pas forcément d'accord et je trouve que la Red Bull a quand même toujours une petite avantage avec des débuts de relais et globalement des débuts de course qui sont vraiment très très bons. Je sais pas ce que tu en penses, Franck. Comment dire? Oui, c'est certain que la Red Bull chargée en essence arrive toujours à s'en sortir un petit peu mieux, c'est vrai. D'ailleurs, ça s'explique peut-être par le petit message radio que Max a eu tout de suite au début de course en disant c'est notre opportunité, en gros, c'est essayer de passer Russell, du coup, qui avait pris la tête effectivement du Grand Prix suite à ce départ un petit peu, on va dire, mouvementé entre Verstappen et Norris. Donc, bah voilà, Max a clairement su qu'il fallait absolument qu'il attaque dès que les pneus étaient encore frais, pour prendre la tête et ensuite gérer davantage, je pense, voilà, devant. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de mystère. La Red Bull en configuration course, et je suis d'accord avec toi, avec le plein d'essence, reste encore la référence sur ce tracé de Barcelone, en plus, qui est, voilà, on le disait lors de la précédente émission de Grand Prix, qui est vraiment la référence du coup. Voilà, on avait encore un tout petit avantage, je pense, en termes de performance pour la Red Bull de Verstappen. Je précise bien de Verstappen parce que bon, moi, je vais plutôt effectivement appuyer, parce que je vais pas rajouter davantage sur les louanges qu'on doit faire à Verstappen. Et en fait, je vais le faire en fait de manière inversée, en critiquant encore une fois Sergio Pérez. Je veux dire que se prendre 6 dixièmes par rapport à un autre pilote sur un circuit que les pilotes connaissent absolument par cœur, c'est vraiment décourageant. Je comprends pas encore comment Horner peut. Alors, il a bien tenté de le, voilà, encore de le soutenir à la fin de la course, et au final, à force de le faire titiller, il y a bien un qui a réussi à le faire craquer en disant qu'il n'était pas aveugle, voilà, qu'il y avait quand même des choses effectivement qui ne vont pas. Mais moi, j'aurais tellement hâte de voir un autre pilote que, ah, pas forcément que Pérez, mais que Max Verstappen dans cette Red Bull, pour voir quel est le vrai niveau de cette Red Bull. Parce que je pense, et comme le dit Marco, en fait, c'est Marco qui le dit clairement, c'est le facteur Verstappen, quoi, qui les sauve clairement en ce moment. Je sais pas ce qu'un Hamilton pourrait faire dans la Red Bull face à Pérez, mais je suis pas certain qu'il lui collerait 6 dixièmes. Et Verstappen, certes, ne fait qu'un avec sa voiture depuis un bon bout de temps maintenant. Vous enlevez Verstappen de Red Bull, vous le privez peut-être, ouais, clairement peut-être de podium à s'assurer, et peut-être voilà, la troisième ou quatrième place du championnat. C'est assez hallucinant. Voilà, le problème, c'est qu'on ne saura jamais, dans un sens comme dans l'autre, ce que vaut. Alors, à moins que Pérez soit éliminé, mais en fait, il est tellement soutenu par Horner pour différentes raisons, certainement aussi extra-sportives. Voilà, la stabilité de l'équipe. Ouais, je veux bien au bout d'un moment, mais là, c'est plus la stabilité de l'équipe, c'est les résultats de l'équipe, quoi. Donc, et si Verstappen vient s'en aller, et on en parlera un petit peu après, de Red Bull, c'est quand même une équipe qui ne vaut pas mieux que la troisième ou quatrième place au championnat pour moi en ce moment. Donc voilà, ouais, encore une fois, un énorme bravo à Verstappen, qui manque effectivement, comme tu l'as dit, la pole de peu. Donc on voit que ces quatre voitures-là qui sont maintenant, ben voilà, Mercedes aussi est bien revenue dans le match, mais on en parlera. On a vraiment quatre équipes qui sont au coude à coude. Et je pense qu'effectivement, il y a le facteur. Je pense pas que ce soit le facteur Red Bull en course. Je pense vraiment que ce soit le facteur Verstappen en course. Maintenant, j'ai plus envie de parler de la Red Bull comme une voiture qui domine. Voilà, c'est la fin de la domination de Red Bull et de Verstappen, clairement. Et Verstappen est encore le petit facteur qui permet à Red Bull de surnager par rapport aux autres. Et ça devient de plus en plus clair, parce que quand on voit Pérez, effectivement, qui arrive très difficilement à se hisser en Q3, qui a beaucoup de mal. Alors, ils ont dit que la 8e place de Pérez était le résultat optimum des simulations de Red Bull en partant de la 11e place. Laissez-moi rire. Je veux dire, à Barcelone, on est très très c'est très très très très facile de dépasser, avec l'effet DRS qui est quand même assez puissant. Je veux dire, il n'y avait pas de souci pour dépasser pour Pérez, faire mieux qu'une 8e place, quoi. Il y a un truc qui va faire très très mal à Pérez, c'est le jour où Verstappen va prendre une pénalité, parce que ça va arriver très prochainement. Il a utilisé ce week-end son quatrième moteur. On pense qu'il y en a au moins un dans le sac sur les quatre qu'il est censé avoir, parce que celui du Canada, ils n'en ont jamais reparlé derrière. On a fait un article aujourd'hui dessus, donc peut-être que ça veut dire que ils n'ont plus que déjà trois moteurs dans le pool de Verstappen. Il y a encore une saison à finir, et il aura forcément une pénalité à un moment. Le moment où Verstappen va partir de la 10e, peut-être même plus, 15e, 20e place, parce que, il décidera de prendre plusieurs éléments. On verra à ce moment-là les capacités de la Red Bull, mais en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà vu l'an dernier. C'est-à-dire que Pérez, quand l'an dernier il était 8e, 9e, et ben, il galérait à passer 7e, 6e. Là où Verstappen, on se rappelle que l'an dernier il part 9e à Miami, il remonte pour gagner. Il y a 2 ans, il part 14e à Spa-Francorchamps. Au 12e tour, il est en tête. J'ai vérifié aujourd'hui. Donc forcément, le Pérez est éteint en fait pour moi. Et la Red Bull vaut mieux que ça. Clairement, on ne peut pas dire que la Red Bull vaille ce qu'en fait Pérez. Je pense que la McLaren. Alors, je pense que Verstappen sublime la Red Bull, parce que de toute façon, ça c'est évident. Après, il ne fait pas non plus. C'est pas un surhomme, il ne fait pas mieux que ce que la voiture peut faire. Mais je pense que la McLaren vaut peut-être aussi plus. Enfin, comment dire. Je pense que Norris la sublime un peu aussi en ce moment. Depuis sa victoire à Miami, j'ai l'impression qu'il a gagné un peu un truc. À Monaco, il était derrière Piastri parce qu'il est derrière en qualif. Mais à part ça, je le trouve quand même vraiment très solide. Il fait plus trop d'erreurs, ce qui est assez, ce qui était le cas avant. Il commence à ne moins surpiloter. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Bonsoir à Le Geek Lambda qui poste un message pour la première fois dans le chat. Et bonsoir à Simtousso qui vient d'arriver. Mais effectivement, c'est vrai qu'on a. On a, moi, je trouve ce côté où Verstappen, ouais, est toujours un peu devant, mais j'ai l'impression que si moi, toi, tu voudrais voir quelqu'un d'autre à la place de Verstappen, moi, j'aurais quand même voir quelqu'un d'autre à la place de Pérez, parce que. Oui, dans les deux cas, de toute façon, on aimerait voir ce que ça vaut. Ouais, C'est on évident. avait des Gasly et Albon qui se qualifiaient plus près de Verstappen que ça, en fait. Alors, certes, c'était à une époque où Verstappen n'était pas le Verstappen qu'il est aujourd'hui. Il a, entre guillemets, atteint son prime plus tard, mais ces pilotes-là aussi, parce que c'était des pilotes débutants ou quasiment débutants à l'époque. Et Pérez en est quand même, est quand même en Formule 1 depuis 12 ans, 13 ans maintenant même. Donc lui, je pense qu'il est rincé, il est en bout de course. C'est là aussi où ça fait, c'est dommage de pas avoir un Tsunoda, parce que Tsunoda, lui, il est en plein, enfin, il est toujours en plein progrès, et je pense que il continuerait à grappiller sur Verstappen en fait, avec le retard qu'il a entre guillemets dans sa carrière. Donc, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant. Alors, je vais passer au sujet suivant, qui est si Max part, parce que c'est un peu la crainte, je pense, qu'il y a chez Red Bull. On pense que pour 2025, c'est bouclé, il restera. Mais maintenant, Mercedes veut toujours le recruter quand même. Et là, ce serait plutôt pour 2026. J'en suis, ouais. Toi, tu penses que ça peut encore arriver en 2025? Ouais, j'en suis pas certain parce que là, les propos Toto Wolff qu'il y a eu, je pense que vous avez lu Next Gen Auto aujourd'hui, c'est quand même hyper agressif, quoi. Il dit clairement, il y a que Christian Horner qui croit que tout se passe bien dans sa maison et que Verstappen pourrait ne pas partir. Et moi, je le vois bien, effectivement. Enfin, s'il ne veut absolument pas titulariser Kimi Antonelli dès maintenant ou même un autre pilote. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a dit à Sainz d'aller chercher une autre solution ailleurs. C'est pour ça aussi qu'il a dit à Esteban Ocon un peu la même chose, quoi. C'est-à-dire que c'est pas la peine non plus qu'il les fasse attendre parce que ouais, il est prêt à attendre jusqu'en novembre pour Verstappen et il est quand même hyper agressif dans ses déclarations. Alors, Horner a beau dire que c'est fait, même Marco il doute, quoi. Si Marco il dit que pour l'instant il est là, mais c'est pas sûr pour la suite. Je veux dire, on sait très bien quelle est l'alliance chez Red Bull. C'est vraiment un camp Marco Verstappen qui est en tout cas lui indéfectible, ce lien-là. Et le fait que Horner soit maintenu dans ses fonctions, forcément, ça a chagriné tout le camp autrichien. Et certes, ça s'apaise en public et ça travaille ensemble, mais au premier coup, où ça ne marche plus, et vu justement ce que Mercedes est en train de faire. Mercedes est en train de monter, qu'ils ont la bonne direction. Si Verstappen voit le niveau de la Mercedes actuelle, moi je ne serais pas étonné qu'ils entendent dire ça y est, ils ont trouvé effectivement la bonne voie pour développer. On voit effectivement que Hamilton et Russell, bah, ça y est, bah, ça joue les podiums. Avec un facteur Verstappen dans la Mercedes, ça peut jouer des victoires. Parce que moi je suis désolé, il y a un facteur Verstappen quand même. Je ne saurais pas le quantifier s'il est de 1, 2 ou 3 dixièmes, mais je le situerai quand même aux alentours de 3 dixièmes. Parce que c'est à peu près le déficit moyen que le Pérez des bons jours se prenait dans la figure. Donc on va dire que Verstappen vaut 3 dixièmes de mieux. Vous mettez un Verstappen avec 3 dixièmes de mieux, c'est l'écart que Toto Wolff dit qu'il manque à la Mercedes pour gagner. Ben je me dis qu'un Verstappen qui tenterait un titre mondial avec une Mercedes en 2025 avant le grand saut 2026. Pour moi, c'est pas du tout impossible. Donc j'ai pas du tout envie d'exclure cette partie-là. Toto Wolff, il est quand même super agressif dans ses déclarations et je pense pas qu'il avait juste envie de dire ça juste embêté, je vais regarder un mot poli, corner, voilà. Mais oui, il y a ça certainement aussi, effectivement. Personne n'est content dans le paddock que Horner soit resté après l'affaire qu'il a subi en début d'année. C'était une très très mauvaise image pour la F1. Et personne ne l'oublie vraiment en coulisses, même si c'est un peu passé dans le côté public. Mais voilà, à force de rabâcher ça et de le dire et de le marteler, voilà, c'est certes la vérité ne se forge pas en déclarant à chaque fois ses intentions, mais il y a forcément des choses. Et quand on voit que Marco n'exclut rien, je veux dire, ça ne peut que renforcer ce genre d'hypothèse. Moi, je vois effectivement donc une équipe Mercedes qui progresse, on va en parler, et qui est donc capable d'être avec un facteur Verstappen gagnante de course. Donc, ça peut effectivement encore jouer le transfert pour 2025 selon moi. À la seule différence, alors moi, la nuance que j'apporterai là-dedans, je suis d'accord sur le fond. La nuance que j'apporterai là-dedans, c'est que Verstappen ne collerait pas 3-4 dixièmes à Russell tous les week-ends, parce que Russell joue au niveau d'Hamilton. C'est pas Perez, Russell. Ouais. Et je pense que du coup, la Mercedes serait pas beaucoup plus en avant que ce qu'elle est là, parce qu'elle a quand même déjà un duo. Pour moi, la Mercedes, ils ont encore le meilleur duo sur la grille actuellement. Hein. Faut pas se leurrer qu'on a un septuple champion du monde et on a un des meilleurs rookies de l'ère moderne des formules de promotion qui a fait ses preuves chez Williams, qui a fait ses preuves en arrivant chez Mercedes et qui aujourd'hui joue dans la cour du septuple champion du monde. Donc, c'est non, moi, la seule référence que je prenais, c'était le Pérez des bons jours, ça valait 3 dixièmes de moins que Verstappen. C'est la seule référence, entre guillemets, qu'on a de lui quand il est solide, c'est 3 dixièmes. Oh, bah, c'est vrai. C'est vrai que Pérez ne voit pas le jour en qualif, hein, tout simplement. Je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Alex, là-dessus. Alors, pas là-dessus, mais on peut peut-être parler aussi, c'est un article qu'on a publié aussi, hein, du test, entre guillemets, secret, mais plutôt privé de Verstappen à Imola, qui a beaucoup agacé Vasseur, puisque donc il y a la réglementation est claire, c'est-à-dire que les équipes de F1 dans la limite du plafonné ont le droit de faire rouler de manière illimitée des voitures d'il y a 2 ans. Et donc 2024, c'est une année très intéressante puisque ça y est, les voitures 2022 sont disponibles, c'est-à-dire celles du nouveau règlement aéro qui a été publié en 2022. Et donc Verstappen, quelques jours avant Barcelone, a été en Italie, à Imola, puisque donc il y avait un test. Certains articles ont appelé un test secret parce que Red Bull n'a pas communiqué, contrairement à ce qui se fait parfois, mais bon, c'était quand même un test légal, évidemment, avec les Pirelli de démonstration est prévu. Donc Verstappen a pu rouler dans les RB18 il y a 2 ans. Alors pourquoi ce test, hein, puisqu'on ne peut pas non plus développer des nouvelles pièces pour la voiture de 2024, mais selon Monaghan, l'ingénieur en chef de Red Bull, il s'agissait de donner une référence à Verstappen, donner un point de comparaison entre la RB18 et la RB20, à savoir, voilà, comprendre pourquoi cette RB20, sans doute, hein, est quand même un peu rétive, hein, est quand même un peu difficile à conduire pour améliorer aussi les outils du simulateur. Donc, c'est vrai que c'est assez rare de voir des pilotes titulaires comme ça faire des tests privés de ce genre. Et donc, ça a eu le don d'agacer Vasseur, qui a fait une sortie dans la presse pour dire que, clairement, pour lui, c'était du développement. Ce test-là de la RB18, c'était du développement. Et donc, ça a fait naître une polémique un petit peu déjà. Alors, c'est tout à fait légal, hein. Vasseur ne le dit pas, mais pour lui, Red Bull joue un petit peu comme ça avec les jeux plafonnés pour résoudre les difficultés de la RB20. Oui, Vasseur dit non, les essais privés, normalement, ça vient notamment à faire du kilométrage aux jeunes pilotes, et il propose une piste qui est intéressante, c'est-à-dire faire la distinction entre est-ce que c'est des essais privés avec des jeunes pilotes, des pilotes non titulaires, du genre Antonelli pour Mercedes en ce moment, et des essais privés avec des pilotes titulaires. En tout cas, voilà. Pour moi, de toute façon, c'est les équipes ne pourront pas développer ce genre de choses parce que c'est très trop cher. Mais ça montre aussi que Red Bull cherche des solutions avec cette RB20, qu'elle n'est pas à l'aise et qu'elle va chercher toutes les solutions disponibles pour régler ses problèmes. Mais on l'avait évoqué, je crois, un petit peu l'an dernier en disant ça y est, quand les voitures de 2022 arriveront dans le parc, ce qu'on appelle le parc TPC, les Testing of Previous Cars, donc c'est les tests des anciennes voitures. Effectivement, ces F1 effet de sol, c'était encore tellement un peu nouvelle pour le monde de la F1 finalement, parce que l'effet de sol, on l'avait pas utilisé avant 2022, on l'avait pas utilisé depuis les années 80, donc il y avait encore énormément de choses à apprendre sur ces monoplaces. Et on avait dit effectivement que ce genre de tests pourrait se multiplier. Effectivement, on a, et si là le premier exemple, on va dire de, alors pas forcément le premier exemple totalement, puisque je sais que Ferrari avait par exemple relancé Carlos Sainz et Charles Leclerc en tout début de saison sur leur F1 2022 à Fiorano, histoire de les remettre en jambe avant les tests à Bahreïn et tout ça. Donc ça, c'était pas en développement. Mais là, effectivement, on a le premier test, comme tu dis, Alex, un petit peu de contournement, on va dire, de la réglementation qui permet effectivement, surtout en termes de corrélation, parce que je pense que c'est plutôt ça qui les chagrine en ce moment, c'est qu'effectivement la corrélation entre la RB20 et le simulateur est pas terrible. Et donc, avec la RB18, dont ils ont des données absolument gigantesques, hein, puisque c'est toute la saison 2022 qu'ils ont en base de données. Mmh. Et donc, elle colle entièrement au simulateur. Donc, effectivement, il a pu certainement donner des points de comparaison. Est-ce que le simulateur est vraiment toujours aussi en phase avec ce qu'est la RB18 ou pas du tout? Donc, c'est-à-dire que le simulateur, quelque part, c'est un outil qui a dévié. Donc, qu'est-ce qui est en cause? Est-ce que c'est la corrélation entre le simulateur et la voiture? Est-ce que c'est le simulateur? Est-ce que c'est le développement de la voiture? Effectivement, ça donne des pistes, comme tu dis, Alex, de développement. Je pense que Vasseur a eu raison d'élever un peu la voix là-dessus. Ça sera certainement un sujet de discussion entre les patrons des équipes dans les réunions à venir prochainement. Je n'en doute pas. Ouais, c'est probable. De toute façon, c'est sûr que c'est... bon, après... À partir du moment où c'est déjà autorisé en fait, dans le règlement à la lettre, j'ai du mal à croire qu'ils vont encore restreindre les essais un peu plus. Non, non, mais après comme tu dis, après, ce ne sera pas du tout un problème de budget, parce que des équipes comme Red Bull, Mercedes et Ferrari, elles sont tellement rentables, même, voilà, elles sont même bénéficiaires au possible. Si elles ont envie d'aligner 15 tests sur l'année, ils peuvent le faire. Hein. D'ailleurs, Vasseur parle après d'une dizaine de tests. Bon, eux, c'est surtout pour développer les pilotes de l'académie. Oui. Mais c'est vrai que Red Bull n'a pas encore aligné de pilotes, enfin de F1 2022 pour voir ce que valaient ces jeunes pilotes, alors qu'ils ont quand même un paquet en attente. Ça, il leur donne pas de volant, ça sert à rien de les évaluer. Exactement. On peut bien se demander à quoi sert. Mais bon, voilà, donc ils ont quand même une F1 2022 qui est prête à rouler. Ouais. C'est quand même intéressant de le savoir, mais pour l'instant, on n'a pas vu de test pour Hadjar, on n'a pas vu de test pour Rouget, on n'a pas vu de test pour plein d'autres pilotes de la filière qui pourraient attendre derrière. Donc, voilà, c'est intéressant de voir qu'effectivement c'est Verstappen qui en bénéficie, et voilà, donc hâte de voir, parce que je pense que c'est pas une polémique qui va enfler démesurément, mais si effectivement Red Bull commence à se jouer à ce jeu-là, je pense qu'effectivement ça peut être quelque chose qui peut être amené à être réglementé à terme. Ça va encore donner des petites réunions sympas entre les directeurs. Il y a Altamen qui demande, est-ce que la soufflerie datant des années 50 de Red Bull peuvent les pénaliser maintenant qu'ils n'ont plus de voiture dominante? Clairement. A priori, le problème de corrélation vient possiblement de ça, puisque ils ont une infrastructure qui commence à dater et qui est moins du dernier cri que celle de McLaren, par exemple, qui n'a plus raté une évolution depuis un an. Il parlait de lui, la soufflerie, pardon. Parce qu'il est plus là, lui non plus. C'est vrai. Ah bah c'est sûr, ça change aussi. Hein. De toute façon, Red Bull est dans un carrefour un peu de sa, comment dire, de son existence, en tout cas de sa phase de domination actuelle, parce qu'il va falloir se réinventer, alors peut-être sur le plan infrastructurel et certainement sur le plan technique et structurel de l'équipe technique. Donc ça, c'est après, la soufflerie de Red Bull a toujours bien marché, ils ont quand même produit beaucoup de bonnes voitures depuis 2010. Ouais. Vraiment, donc bon, certes c'est un outil qui date, mais ils le connaissent, je veux dire, ils savent faire avec. Donc c'est plutôt effectivement l'écart qu'il y a, ou alors voilà, ben voilà, ils sont enfin poussés dans leur retranchement, et ils sont enfin poussés dans leur retranchement, et la marque qu'ils avaient, ils ne l'ont plus, c'est tout bon. Mmh. Ah, c'est ça, de toute façon, le problème pour la soufflerie, c'est que les équipes sont moins portées à investir des gros millions là aujourd'hui en 2024 dans les souffleries, sachant que, alors c'est pas encore décidé dans le marbre, et peut-être que ça sera finalement pas adopté, mais on discute de plus en plus pour atteindre la neutralité carbone en 2030, d'une interdiction de la fin des souffleries en F1 à partir de 2030. Voilà, et donc quand vous avez ça qui circule dans les tuyaux, même si c'est pas officiel, etc., mais qui est une possibilité, vous n'avez pas non plus envie d'investir 100 millions pour une nouvelle soufflerie d'un écrit qui pourrait durer une saison. Oui, ouais, t'as raison, il faut rappeler que soufflerie, ça consomme énormément d'énergie. Oui. Donc c'est effectivement pour ce côté-là de restriction de l'énergie non propre, on va dire. Voilà. Ouais, c'est ça. Et alors, dernier petit sujet Red Bull, après on passera à Mercedes. D'ailleurs, ça concerne un peu les deux équipes, mais il y a eu des petits échanges sympathiques entre James Allison et. Putain, c'était qui le gauche? J'ai noté ça tout à l'heure. Christian Horner. Et Christian Horner, je vais te laisser résumer ça, Franck, parce que c'est un peu plus. Ah non, c'est Alex qui a fait le. Alors, Alex, je vais résumer le papier. Les échanges sympathiques. C'est la guerre psychologique qui continue. Donc Horner avait dit, ouais, c'est génial, on a fait une saignée chez Mercedes. Alors là, il parlait de Red Bull Powertrains. Il a dit qu'on avait attiré 220 ingénieurs moteurs de Mercedes pour aller chez Red Bull Powertrains, ce qui serait évidemment énorme. Hein. Alors ce qui est théoriquement possible, parce que bon, les deux usines moteurs des équipes sont pas loin, etc. Mais bon, Et donc Allison a répondu, mais non, ce n'est pas 220 ingénieurs qui sont passés de Red Bull, de Mercedes à Red Bull Powertrain, c'est 19. Alors, sans préciser l'âge de temps, hein, ça joue aussi sur cela. Et derrière, il a dit, mais en fait, ce n'est pas Mercedes qui a un problème de fuite de cerveau, c'est Red Bull qui a un fuite de cerveau. Voilà, c'est celui qui dit qui est, c'était un petit peu sa réponse. Et Allison, en disant à Corner, c'était peut-être le signe justement de sa fragilité, hein, du fait que Red Bull pouvait perdre des cerveaux et que du coup, Horner voulait détourner l'attention dans la presse. Hein. Donc voilà, alors peut-être que c'est lié aussi à la crise, à l'affaire Horner, ce mouvement, mais bon, peut-être pas non plus. Voilà, 19 ingénieurs, moi, c'est un chiffre qui peut sembler tout à fait plausible, Oui. qui est pas nul, qui est quand même significatif, mais qui est aussi normal, hein, parce qu'il y a toujours eu des mouvements entre les équipes et notamment les motoristes, surtout quand il y a quand le nouveau motoriste, voilà, c'est juste une étape dans la guerre psychologique, mais voilà, Christian Horner et son chiffre de 220, je pense qu'il doit rester plutôt En fait, un nombre de personnes, je pense. c'est 200 un serveur et cuisinier pour la cantine de Red Bull. Mais comme Voilà, c'est, voilà, comme. mais comme le dit bien Lisa, en fait, la F1, c'est ce qu'on aime aussi. C'est une guerre médiatique, c'est une guerre politique. Hein, c'est pas que sur la piste, hein, mais voilà. Donc sa phrase, c'est que ils donc pratiquent pour certaines équipes qui ont leur propre fuite de cerveau. Et donc Allison visait Red Bull de publier dans la presse des récits sur les malheurs que d'autres pourraient subir. Bon, gentiment envoyé dans ses cordes, de manière un peu plus polie que Toto Wolff. Hein, mais ça pose un problème, hein, qui est celui des salaires en Formule 1, qui avec les budgets plafonds se tassent. La F1 est aussi moins attractive qu'auparavant. Les meilleurs ingénieurs de toutes les écoles, quand ils étaient passionnés pour la F1, allaient en F1. Maintenant, c'est moins évident parce que les salaires sont tassés, parce qu'il y a 24 Grands Prix par an. Et forcément, c'est plus facile aussi d'attirer les ingénieurs d'autres équipes, puisque comme les salaires se tassent, c'est plus facile, hein, aussi de proposer des salaires plus élevés. Hein. Donc, la guerre des ressources humaines, elle profite aussi, bien sûr, aux équipes milieu gris. Hein. C'est aussi Bien sûr. ça. C'est aussi on a vu, voilà, des équipes milieu gris pouvoir attirer des grands noms. Voilà, ça se joue à ce niveau aussi. Hein. La F1, c'est pas que le sport, c'est la politique, c'est le financier, c'est le psychologique, c'est les mensonges, les fake news. Enfin voilà, tout ça qui nous fait. C'est vrai que 220, ça paraissait beaucoup quand même. Et on rappelle que c'est pas le premier échange peu cordial entre Allison et Red Bull, puisqu'il y a 2 semaines, il avait dit que les évolutions de Red Bull étaient en fait une régression. Et du coup, ça avait un petit peu agité le camp Red Bull qui s'était un peu énervé. D'ailleurs, Verstappen avait de nouveau été interrogé là-dessus ce week-end. Il a dit que c'était complete bullshit. Donc, on sent que l'ambiance est toujours au beau fixe entre les deux équipes, même si ça se bat un peu moins en piste. Mais c'est vrai que, alors bon, après Mercedes, on en parlera un peu plus tard, mais globalement, on voit quand même que, je pense que, comment dire, Mercedes re-rentre un peu dans le spectre de Red Bull en termes de, comment dire. Je pense que Mercedes revient un peu aux avant-postes et du coup Red Bull commence un peu à s'inquiéter de revoir Mercedes aux avant-postes parce que pendant 2 ans ils ont quand même copieusement ignoré globalement en termes de je trouve de déclarations. Il y a eu quelques petits échanges qu'on avait pu voir dans la série Netflix ou quoi, mais on sent que il y a de nouveau cette petite bataille qui pourrait revenir et je pense que plus Mercedes va mettre la pression sur les leaders, plus ce sera le cas. Mais d'abord on va parler avant de parler de Mercedes, on va parler de McLaren puisque de nouveau on a une très belle performance de Lando Norris qui fait la pole et la deuxième place. Oscar Piastri s'est qualifié dixième, s'était lancé neuvième et a terminé septième. Clairement, lui a vécu un week-end assez difficile. Il n'a pas réussi à trouver vraiment les bons réglages, bon équilibre. Il s'est plaint tout le week-end de ne pas réussir à se mettre vraiment dedans et pas réussir à faire le tour qu'il voulait. Contrairement à Norris qui, lui, est allé arracher une pole vraiment plutôt inattendu parce que finalement il était le seul à lutter contre Verstappen, mais on sentait que Verstappen avait quand même un petit matelas d'avance en Q1, Q2. Et puis finalement, c'est lui qui arrache la pole. Et le lendemain, il a payé le fait que ce soit à Barcelone et qu'il y ait 600 mètres entre le point de départ et le premier virage, puisque l'aspiration a été très bénéfique d'abord à Verstappen, parce qu'au départ, Norris fait le bon. Enfin, il rate légèrement son départ, mais il fait quand même un bon envol. Puis après, Verstappen le dépasse. Et surtout, Russell profite de l'aspiration des deux et les dépasse tous les deux au premier virage. Alors, Livia Poppa, effectivement, dit c'est compliqué pour Piastri cette année. On y reviendra après. D'abord, Norris, moi, j'ai pas grand-chose à dire dessus, si ce n'est que j'ai l'impression qu'on a un Norris qui a trouvé pile la chose pour ne pas surpiloter et ne pas non plus perdre de temps. Peut-être que c'est la décomplexion de ne plus avoir à courir après sa première victoire, mais je trouve qu'on ne le voit plus faire d'erreur en qualif depuis maintenant quelques courses, et je trouve qu'il arrive à toujours trouver la mesure parfaite de la voiture. Je ne sais pas ce que tu en penses, Franck. Oui, bah, clairement, déjà, il était très content de son tour de pôle à Barcelone. Donc, enfin, un super tour pour lui, sans erreur et tout. Ce qui joue d'ailleurs effectivement la pôle pour une vingtaine de millièmes devant Verstappen. Donc bravo à lui pour ça. Ça s'est effectivement très, très, très bien fait. Et effectivement, bah, après en course, il a appliqué. Bon, alors, le départ un peu musclé quand même, hein. Faut quand même le noter. À la Verstappen, comme on dit. À la Verstappen, effectivement. Donc, heureusement, c'est de l'herbe et pas un mur du côté droit pour Verstappen. Mais oui, c'est vrai qu'il le tasse quand même pas mal. Un peu violemment, ouais. Un peu violemment, ouais. Donc, ça, tant que c'est pas sanctionné par la FIA, bon, rien à dire là-dessus. Peut-être qu'un jour, la FIA dira quand même que ce genre de choses, il faudrait quand même se laisser un poil plus d'espace. Bon, après, ils se sont gênés tous les deux, donc c'est Russell qui en a tiré le meilleur. Et ça a un petit peu compromis, je pense, un peu le début de course de Norris, parce que, alors certes, McLaren a été conforté par sa stratégie décalée, c'est-à-dire de ne pas faire rentrer Norris aussi rapidement que les autres sur le premier relais, puisqu'ils partaient tous en tendre, hein, on le rappelle. Effectivement, le but pour McLaren, c'est effectivement d'avoir des pneus plus frais en stratégie décalée sur le deuxième relais, et du coup, un dernier relais beaucoup plus court, ce qui aurait pu normalement permettre, d'après leurs calculs, de revenir un peu sur Verstappen. Bon, ils oublient quand même que la position en piste est quand même assez importante, même si je trouve que Norris, après avoir bien revu la course encore aujourd'hui, n'a pas perdu beaucoup de temps dans les déplacements ou autres, donc je pense pas qu'il perde la course franchement là-dessus. Mais voilà, bon, on l'a dit, on va revenir du coup sur le côté Verstappen, c'est que Verstappen a déroulé une course parfaite avec le facteur Verstappen, comme j'aime le dire aussi, et voilà, il n'y a pas grand-chose à faire de plus là-dessus. Red Bull a su contrer là, effectivement, la stratégie décalée de McLaren, et on a quand même deux équipes qui jouent dans un mouchoir de poche sur un tracé de référence, donc c'est quand même de bon augure pour la suite. Donc un bon point pour Norris. Allez, je note quand même que sur les photos de la deuxième place dimanche, il fait un petit peu la gueule quand même. Donc voilà, on sent que Norris a passé un step. Maintenant, c'est victoire ou rien, il a dit. Hein. C'est ça, donc c'est l'attitude qu'il faut avoir, c'est bien. Et si on a la voiture qui permet de le faire, et ben c'est à l'équipe et à lui de trouver à chaque fois les petits détails qui font qu'on peut essayer d'aller chercher Verstappen dans ses grands jours, ce qui n'est pas évident, hein, parce que Verstappen commet quand même très très très peu d'erreurs, donc il faut en faire encore moins et trouver effectivement des petites astuces en plus pour essayer de le battre. Donc, peut-être que la stratégie décalée était une astuce sur laquelle comptait McLaren, malheureusement ça n'a pas suffi. Alors moi je pense que McLaren, alors moi je dis ça sans aucune donnée comme eux ils ont, mais finalement avec un regard un peu plus froid et distant, j'ai l'impression qu'ils ont fait l'erreur d'appliquer la même stratégie de décalage sur le premier et le deuxième relais. En fait, ils ont pris 6 tours de décalage et ils les ont gardés jusqu'en fin de course, alors que sur la fin du deuxième relais avant le deuxième arrêt, Norris remonte vraiment vraiment fort sur Verstappen, il revient à 4 secondes, et en fait, il lui laisse ses 6 tours de plus, sachant que l'undercut fonctionne très bien à Barcelone, et quand il ressort en piste, il est à 8-9 secondes. 9 secondes, ouais. Et du coup, c'est à se demander s'il n'aurait pas fallu dire on sacrifie peut-être sur ces 6 tours, on n'en garde que 1 ou 2, parce que le tour de en fait Norris se prépare peut-être à rentrer plus tôt au départ, parce que sur le tour où Verstappen rentre, il a la piste libre et il fait directement un très très bon chrono, et peut-être que rentrer à ce tour-là, avoir juste un tour de décalage sur les pneus qui n'était pas non plus avec le nombre de tours qui restait, c'était pas une différence énorme, et vu sa vitesse avec la voiture légère, peut-être que en étant à aller, on va dire 4-5 secondes à l'entame du dernier relais, même avec des pneus moins frais, aussi frais que Verstappen, en fait, peut-être qu'il aurait pu se rapprocher dans la seconde et tenter quelque chose. Et j'ai l'impression qu'ils ont dit, ça a bien marché au premier relais, on va tenter la même chose, alors que le dernier relais était vraiment... le dernier relais était plus court, donc il n'y avait pas tout ce moment où Norris pouvait remonter. Et encore une fois, il remonte, mais Verstappen contrôle très très bien. On ne peut pas non plus nier que Verstappen contrôle vraiment au dixième de seconde près, parce qu'il arrive toujours à garder le truc pour rester hors du danger de Norris. Mais pour moi, c'est sur ce deuxième arrêt, cette deuxième stratégie que McLaren fait l'erreur. Et puis, il y a ça, et je pense qu'il y a peut-être un peu un manque d'autocritique, un peu de remise en question, notamment chez Andrea Stella, qui aujourd'hui a dit on a fait la stratégie parfaite, et si c'était à refaire, on referait exactement la même chose. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il parlait que du temps optimal autour, et il... sous-estimer l'importance, hein, je pense, de la position en piste. On a vu quand même que Norris a eu du mal à dépasser. Hein. Forcément, ça reste quand même Barcelone, hein, qui a perdu du temps, notamment, et même s'il est revenu en fin de relais. Et puis, il y a ça, donc la stratégie peut-être un manque de remise en question. Et puis, il y a aussi, il a fait un arrêt en 3-6, hein, au deuxième arrêt, je crois. Oui. Et s'il ne fait pas cet arrêt, et Red Bull, c'était 1-9 pour Verstappen. Donc, Verstappen a fait un 2-8 aussi, qui n'est pas terrible dans les standards Red Bull. Hein. Non. Ouais, un 9 et 2-8, bon, ben voilà, versus 3-6, ça fait quand même, bon, disons, une seconde, et voilà, Norris finit à 2 secondes. Donc ça se joue à ça. Donc McLaren n'a pas été excellente, je trouve, sur la stratégie, sur l'opérationnel, et que, comme ils l'ont dit, il faut tout bien faire pour battre Red Bull. Red Bull a tout bien fait et pas McLaren. Ben c'est ça. Je trouve que Norris et McLaren globalement ont l'air de, enfin, doivent maintenant découvrir ce que Mercedes a vécu en 2021 et ce que Ferrari a vécu en 2022, c'est que en fait Red Bull et Verstappen, le duo, non, pas de faille, à peu de choses près. Il n'y a jamais d'erreur de pilotage de Verstappen. Il y a très rarement des arrêts ratés chez Red Bull et c'est rarement sur la voiture numéro 1. Il n'y a jamais d'erreur stratégique ou très peu, là où Mercedes en a beaucoup plus fait récemment. Et en fait, effectivement, comme tu dis, il faut tout réussir pour battre Red Bull. Et encore, tout réussir, c'est juste, ça amène juste à la position de pouvoir peut-être pouvoir tenter de battre Red Bull. Et ensuite, derrière, il faut faire le taf. Et c'est ce qui est très compliqué. C'est... Encore une fois, on en parle souvent, mais ce qui est le plus impressionnant dans la saison 2021, c'est que Mercedes Hamilton et Red Bull Verstappen font une saison, c'est acabit, des deux côtés. Allez, à quelques petites erreurs près, mais on ne peut rien leur enlever. Mais là, c'est vrai que McLaren, c'est encore jeune, il y a encore peu de... Comment dire ? Il y a encore des choses à revoir, parce qu'ils ne sont encore pas habitués en fait, à lutter pour les victoires et à être à ce niveau-là. Et je pense que là où Red Bull est une entreprise très très bien rodée pour aller viser les succès. Et oui, Sim Tussaud, il y a rarement de week-end où Verstappen n'est pas au top. En fait, il est tout le temps à son niveau max, si je puis dire. Enfin, mais c'est vrai qu'il y est tout le temps, c'est ça qui est terrible. Et c'est aussi ce qui fait que Red Bull compte intégralement sur lui. Alors après, les stratégies, les stratégies d'équipe qui comptent sur un pilote, pour qu'il aille tout le temps bien, on sait que s'il n'est plus là, c'est derrière, c'est compliqué. Mais tant qu'il est là, c'est la garantie et l'assurance vie. Xoans qui demande, il y a eu combien de casse fiabilité de Max en 2 ans et demi? Honnêtement, en course, il n'y a pas eu... Il y a eu je me rappelle d'une panne Jeddah 2022 en qualif. Il y a eu Melbourne 2022 et après, il y a eu Melbourne 2024. Mais sinon, c'est tout. Je crois que ça doit faire 3 de mémoire. Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Maintenant, donc chez McLaren, l'autre sujet, c'est l'Oscar Piastri. Alors, moi, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il déçoit parce qu'il fait quand même du très, très bon boulot. Mais face à un Norris qui, maintenant, commence à être vraiment au sommet de sa forme et pourtant un Piastri qui est dans sa deuxième saison, bah, finalement, on se rend compte que c'est un petit peu plus compliqué parce que, bah, justement, Alka est en train de le dire dans le chat, l'excuse du rookie commence à être difficile à justifier. Et de là, c'est vrai que c'est un petit peu. On aimerait bien voir un Piastri. Alors, il est des fois devant Norris aussi, hein, c'est pas. Mais il y a des week-ends où il est vraiment pas dedans et où il n'arrive pas finalement à se reprendre. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui. Là, bon, là, effectivement, ce qui le perturbe complètement ce week-end-là, c'est clairement sa Q3 ratée, comme tu le dis, avec un tour annulé et ensuite son deuxième tour loupé. Donc, à partir aussi loin, donc sans chrono, donc c'était forcément, donc c'était dixième position en Q3, transformé en 9e place sur la grille suite à la pénalité de Perez. Difficile effectivement de vouloir rivaliser pour le podium avec ça, mais bon, la McLaren, elle vaut quand même normalement. Une remontada de plus de place que ce qu'il a réussi à faire, quoi. Donc, je sais pas s'il était possible d'aller chatouiller les Ferrari devant, mais je pense qu'un Norris dans cette position-là aurait certainement pu aller jouer la quatrième ou la cinquième place au final. Donc, oui, il y a encore un peu d'erreur du côté de Piastri. C'est assumé. Le discours de Stella et de Brown est assez convergent là-dessus. C'est que voilà, Piastri est un excellent pilote, mais il reste encore des points bruts, on va dire, à polir. Donc, c'est encore un diamant encore un peu brut sur certains bords, certaines facettes. Il faut pas encore le regarder, on peut pas encore le tourner à 360 degrés et se dire tout est bien poli. Il y a encore des choses qui ne vont pas. On n'en est pas du tout à des choses du type montagne russe comme le faisait Ricciardo face à Norris, clairement. On est encore sur un pilote qui est en pleine phase de progression et d'apprentissage. Et voilà, donc il suffit effectivement dans de petites erreurs. Voilà, là, on a quand même un peloton qui est ultra serré de 4 équipes, maintenant on était à 3, on est passé à 4 avec Mercedes. Chaque petite erreur compte énormément. Donc voilà, il n'y a plus de. Voilà, là où Piastri pouvait essayer de faire sixième, on va dire, sans trop forcer, maintenant c'est huitième, puisque les Mercedes sont dans le coup. Donc voilà, il faut aussi falloir qu'ils sortent le grand jeu maintenant pour recoller un peu plus à son équipier sur tous les week-ends. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour Piastri, il n'est pas du tout en phase descendante ou autre. Voilà, mais on sent quand même c'est surtout Lando Norris qui a passé un cap psychologique avec sa victoire. Oui. Et du fait qu'il puisse titiller, je dis plus Red Bull, non, je dis Verstappen, et en fait c'est ça qui doit embêter clairement Horner aussi. Et d'ailleurs Marco, c'est le premier aussi à le dire, hein. C'est grâce à Verstappen qu'on gagne. Il met plus Red Bull en avant, il met Verstappen en avant. Donc, et c'est là qu'on voit clairement un peu le jeu de pouvoir en interne aussi là-dessus, sur le fait qu'il y a un décalage en termes de communication, de stratégie. Et voilà, donc c'est battre Verstappen, c'est plus battre Red Bull maintenant, c'est battre Verstappen. Et ça c'est bon évidemment pour l'image de marque. Donc, Piastri, voilà, il a passé un week-end un peu sans, et voilà, il faut l'accepter. On a une grille super compétitive. Vous faites une erreur, et ben ça vous condamne votre week-end, mais c'est pas pour ça qu'il faut condamner le pilote pour autant, quoi. Voilà. Alors c'est vrai qu'après, de toute façon, il y a effectivement Lord Phoenix dit, selon France Toss, il faut 3 ans pour former un pilote, et Billy Gordy dit, pour parler à Tsunoda en deuxième année, c'est bien. Attention, hein, on n'est pas du tout en train de faire une critique violente ou gratuite de Piastri. Il fait le taf, mais c'est juste que faut pas oublier, quand il arrive en 2022, il signe chez. Il arrive en 2023, mais il signe en 2022 chez McLaren. Tout le monde dit oulala, attention Norris, parce que là, on lui met vraiment un candidat dans les pattes et ça va piquer. Et finalement, on voit que depuis l'an dernier, globalement, Norris est capable d'avoir à peu près le double de points en permanence de Piastri. Donc, ça, c'est sûr que c'est un petit peu là où ça pêche. Mais bon, après, McLaren, ça risque d'être assez intéressant à suivre, c'est sur en Autriche et à Silverstone, puisque l'an dernier c'était les premiers circuits où les voitures étaient évoluées sur, vraiment c'est une grosse évolution qui a donné la base de la voiture actuelle, et c'est là où ça a commencé à vraiment très bien fonctionner. Donc, avec un an de plus de développement sur ce concept, on va dire, il est très probable, là où ils avaient fait 2 et 3 en qualif à Silverstone notamment, il est très probable que la voiture fonctionne très très bien. Juste, on va sortir un Stella demain, certainement, qui explique effectivement que les points faibles de l'an dernier, qui étaient notamment les virages à basse vitesse et à moyenne vitesse, ont été corrigés. Et que les hautes vitesses n'ont pas reculé, voilà, avec les évolutions qu'il y a eu récemment. Simplement que ça n'a pas autant progressé sur ce point-là. Voilà, donc en fait, les points faibles ont été éliminés, et le dernier point, qui était le point fort en fait, d'avant, qui sont les hautes vitesses, reste maintenant à faire progresser davantage. Et c'est là-dessus qu'ils pensent qu'ils ont encore un petit retard sur Red Bull, sur les hautes et très hautes vitesses. Donc voilà, je pense qu'en Autriche, ça devrait être bien plus sympathique pour McLaren, parce que il y a quand même très peu de virages à haute vitesse au Red Bull Ring, c'est surtout des virages à basse et moyenne vitesse, plus de la puissance moteur derrière. Des gros freinages. Ouais. Voilà, c'est ça. Et peut-être que Red Bull pourrait être un poil plus en difficulté, parce que c'est quand même des bosses et des vibreurs qu'il faut quand même franchir assez allègrement. Et on sait que c'est pas le point fort de la Red Bull depuis Monaco, notamment. Et puis, comme l'a dit Manu dans sa présentation, c'est un circuit le plus court de l'année, enfin le plus court au sens du temps, 1 minute 3, 1 minute 4. Ouais. Et donc, la moindre erreur de réglage, la moindre petite erreur, donc les écarts sont encore plus serrés forcément avec un circuit aussi court. On n'aura qu'une seule séance d'essai libre puisque c'est du sprint. Et donc, on pourrait avoir des surprises. Et c'est pour ça qu'on aime aussi les formats sprint, c'est que ça donne plus d'action et ça donne plus d'imprévisibilité. Et voilà, donc ça, on pourrait avoir aussi des surprises. Là, il faut bien se rendre compte qu'un pilote qui va mettre une roue de travers dans la qualif, il va perdre 5-6 places sans problème. Hein. Vu comme c'était serré depuis le début de la saison et vu ce que l'Autriche offre comme écart, généralement, le pilote qui va faire une erreur va la payer très très cher. Et je marquais dans la présentation, justement, c'est ce qui fera la différence entre un passage en Q3 et une élimination en Q1, en fait, parce que vraiment, ça va se jouer à moins d'une seconde tout le long du week-end entre les meilleurs et les moins bons. Ça va être intéressant à suivre. Je pense qu'on a fait le tour pour McLaren, puisque globalement, c'était plutôt bien, hein, encouragement, on va dire. Juste un petit mot sur leur motorhome qui a un petit peu flambé. De voir une solution temporaire, effectivement, pour les deux prochains Grands Prix, ou les trois prochains Grands Prix, et le retour du motorhome actuel en Prix de Belgique, a priori. Voilà, le temps de faire les réparations, pour ceux qui se demandaient ce qui leur est arrivé. Un feu dans la cuisine, apparemment. Ouais, et pas de blessés, juste des personnes qui ont fini à l'hôpital pour observation, parce que de la fumée, etc. Mais pas de blessés, et tout le monde allait bien, ce qui était l'essentiel. C'est vrai que c'est un peu une frayeur. Et c'est vrai, comme tu l'avais dit, Franck, c'est quand même souvent des incendies globalement à Barcelone. À Barcelone, je ne sais pas pourquoi. Après la victoire de Maldonado en Espagne, on s'en souvient, dans le garage. Il y a encore un autre exemple assez récemment, je ne sais plus lequel. Oui. Avant ça, il y avait eu un feu de Kers, la première année du Kers en F1 chez Williams aussi. Enfin, probablement une malédiction quelconque. On passe à Mercedes, qui, comme la semaine dernière, enfin comme deux semaines avant, fait 3 et 4 à l'arrivée. Après, c'est de qualifier 3 et 4. Et ce souci, c'est Hamilton qui fait le podium, son premier podium depuis le Grand Prix du Mexique 2023. Et George Russell fait quatrième, donc de nouveau une belle moisson de points pour l'équipe de Brackley qui arrive enfin à confirmer. C'est vrai que le Canada, on avait toujours un peu peur que ce soit une exception et puis qu'il re-rentre un peu dans le rang. Et finalement, pas du tout, puisque en fait, ils ont été la troisième force techniquement derrière les Red Bull et les Mercedes McLaren, mais en fait, ils ont été quasiment la deuxième force derrière le duo. Norris Verstappen et globalement une très bonne qualif et une très bonne course. Un départ de Russell qui le propulse en tête. Il a dit lui-même qu'il a tenté de freiner très fort et très tard parce qu'il y avait un gros vent de face. Et il a dit c'est ce qui m'a permis de freiner aussi tard et en fait de pouvoir les surprendre. Mais dans la cool room, c'est sous-entendu que. Enfin, il n'était pas dans la cool room, mais les autres ont sous-entendu qu'il n'y avait pas possibilité de freiner plus tard que ça. Donc c'était quand même très bien joué de sa part. Un très très beau départ. Il a dit qu'il avait. Channel son inner Alonso, puisqu'Alonso avait fait à peu près le même départ en 2011 à Barcelone. Et puis, bon, derrière, il a pas fait long feu face à Verstappen, parce que malgré tout, la Red Bull était quand même la voiture en début de course. Mais, globalement, très très belle performance sur la piste de Mercedes, Franck. Ah oui, totalement. Et puis, je pense que ça y est, Toto Wolff commence à avoir raison à force de marteler qu'ils vont dans la bonne direction. Tu voulais pas trop y croire, Manu, mais ça y est, je pense que tu peux quand même y croire. L'étoile polaire a l'air d'être enfin réellement trouvée. C'est ça, exactement. Donc, le discours de Toto Wolff ces derniers temps était quand même donc, du coup justifié, puisque voilà, quand même. En Barcelone, l'an dernier, ils étaient quand même assez forts aussi, mais là, voilà, ça fait comme 3 Grands Prix de suite. Même à Monaco, ils n'ont pas fait un super résultat, mais la voiture était quand même là aussi. Le Canada, c'était pareil, c'était un peu particulier. On attendait de voir Barcelone et ils sont là aussi. Effectivement, bon, il leur manque encore 2-3 dixièmes pour pouvoir aller jouer. Je pense à plus confortablement une victoire. Hamilton signe quand même donc, du coup son premier podium et ça lui permet de garder ce record de un podium par saison dans laquelle il a couru. Parce que, bon, il n'a pas gagné l'an dernier donc il a perdu effectivement cette statistique-là d'avoir au moins une victoire par saison disputée. Il aura au moins sauvé ce record-là en cours. Voilà donc voilà qui permet effectivement à Hamilton d'avoir ce podium. Maintenant, c'est pas ce qu'il recherche. Hein. Le podium, effectivement, il était très content. C'est quand même essayer de finir avec une victoire pour l'équipe. Et c'est quand même bien parti. Et ils ont fait, comme je pense, une super stratégie. Peut-être ils sont plantés, effectivement, avec les durs pour Russell. C'est pas un pneu qui marchait terriblement bien pour eux. Et du coup, Hamilton en a profité sur sa stratégie à lui pour passer en tendre. Donc, bon, pour le coup, bah, c'est Russell qui s'est un peu pas sacrifié parce que je pense pas que c'était volontaire, mais au moins, c'est le son tiré immédiatement pour Hamilton qui, du coup, en profite pour prendre l'ascendance sur Russell sur la fin de Grand Prix et signer ce podium. Voilà, podium totalement, totalement mérité pour Mercedes. Voilà, bah, on est très content de voir une quatrième équipe. Voilà, on l'attendait depuis début 2023, c'est pas venu. On attendait depuis 2024, c'était pas là. Et ça y est, ça arrive mi-2024. C'est pas une résurrection à la McLaren de 2023, parce qu'ils n'étaient pas partis d'aussi loin que McLaren. Mais voilà, la trajectoire est bonne et. Et voilà, on l'a dit, hein, c'est potentiellement un facteur extrêmement important et puissant pour Toto Wolff pour tenter d'aller chercher Max Verstappen pour 2025. Moi, j'ai pas envie de démordre de ce fait-là. Toto Wolff, il dit rarement du bullshit pour dire du bullshit. S'il le dit, c'est qu'il y a des choses. Et puis, voilà, puis comme Marco, derrière, joue un peu le jeu aussi de Mercedes sans vraiment trop démentir. Et je me dis qu'effectivement, il y a des choses intéressantes à voir. Après, c'est un peu délicat. Alors, bon, tout le monde dit qu'effectivement, propulser Andrea Kimi Antonelli à la place d'Hamilton dès la première saison, comme ça, en F1, ce sera un peu chaud. Oui. Maintenant, il est jeune encore. Il peut encore attendre un petit peu. Oui. Et si de toute façon il y a possibilité d'avoir Verstappen, mais il y a zéro hésitation quoi. Je veux dire, c'est comme Ferrari qui peut avoir Hamilton à la place de Sainz. Genre, vous pouvez avoir Hamilton, même pas vous hésiter quoi. Et si, et même je l'imagine même que si Hamilton avait dit vous me prenez à la place de Leclerc, Ils auraient peut-être même pu trouver un arrangement pour que ça se fasse. Mais bon, voilà, c'est, après, c'est de la science-fiction derrière. Ouais. Mais voilà, non, Mercedes en très grande forme, c'est ce qu'il faut retenir. C'est à confirmer, évidemment. Red Bull Ring, ça n'a jamais été trop dans le circuit. À voir effectivement ce que donne cette année. Mais Silverstone, par contre, avec les qualités aéro de la W15, ça peut faire très mal. Donc, une petite victoire d'Hamilton à Silverstone, ce serait quand même bien sympathique devant le public. Un petit mot sur Hamilton aussi, puisque c'est donc son premier podium de l'année. Ça veut dire que sur les 18 saisons dernières, sans exception, il est monté au moins sur un podium, ce qui est le record absolu en Formule 1. Et c'est le, puisqu'il a 39 ans et 168 jours, c'est le troisième pilote le plus âgé à monter sur un podium dans ce 21e siècle, après Alonso et Michael Schumacher. Voilà, donc c'est, on peut quand même rendre hommage aussi à 18 ans maintenant qu'on a vu au moins une fois Hamilton sur un podium de F1. C'est, ouais, c'est une belle longévité, hein. C'est clair que c'est assez impressionnant, et puis on peut imaginer que ça, la série se continuera, parce que Ferrari est quand même en bonne forme lui aussi, donc il n'y a pas trop de raison. Alors c'est vrai que Alka le dit, en plus le 200e podium est proche pour Hamilton, et c'est vrai que une victoire pour le 200e serait encore mieux. Alors là, bon, si c'est Silverstone, il faut déjà en faire un ce week-end en Autriche, mais c'est vrai que ça pourrait être une particulièrement belle histoire. Bon, je crois que du sortir à podium, ils s'en foutent. C'est surtout gagner à Silverstone. Ouais, c'est clair. Ouais. C'est clair. Et oui, c'est vrai qu'il aura 40 ans l'année prochaine et que c'est un sacré coup de vieux. Ouais. Toutefois, chez Mercedes, tout n'a pas été rose non plus, puisqu'il y a eu des histoires un peu rocambolesques d'une chaîne de mails qui est arrivée à des journalistes. Une liste de journalistes qui était un peu similaire à celle de l'affaire Horner, qui ont reçu des allégations comme quoi il y avait du sabotage chez Mercedes envers Lewis Hamilton, et que clairement l'équipe était contre lui, enfin que des choses étaient faites contre lui. Ce qui a clairement animé la conférence des patrons vendredi, puisque Horner Wolf y a répondu particulièrement, mais Vasseur aussi, disant notamment que c'était absolument ridicule de penser qu'une équipe pourrait saboter un de ses pilotes, alors que en fait, quand on fait une équipe de Formule 1 avec le prix que ça coûte et tout, on ne sabote pas une de ses voitures, on la met le mieux possible. Et bon, globalement, il y a eu du nouveau aujourd'hui. Je te laisse dire un peu où ça en est, Franck, parce que c'est toi qui as fait ce matin. Oui, juste qu'effectivement, la police a bien été saisie par Mercedes dès la connaissance des faits. C'était environ vers le 12 juin, apparemment, donc c'était presque il y a deux semaines. Effectivement, cette chaîne de mails qui commençait à circuler. Toto Wolff a confirmé que, avec toutes les analyses qu'il y a eu sur les mails et tout ça, ça venait pas d'un membre de l'équipe. Donc ça venait pas de quelqu'un en interne qui aurait fait effectivement la taupe ou le lanceur d'alerte. Oui. Ça venait vraiment de l'extérieur, d'après la chaîne d'emails reçue. Maintenant, la police dont dépend l'usine Mercedes F1 a conclu qu'en fait, sur le principe, il n'y a aucune sanction, aucune infraction criminelle là-dessus, mais elle a prodigué des conseils évidemment privés à Mercedes pour tenter d'en savoir plus si les mails continuaient effectivement à arriver, comment essayer peut-être de diagnostiquer qui est l'émetteur, ce genre de choses. Donc peut-être mis des outils en place. Donc je pense que je pense pas que celui qui s'est amusé à faire ça continuera à le faire. Je sais pas quel est le petit malin qui a voulu faire ça. Est-ce que ça vient d'un... Apparemment, c'est un certain Christian H. Ouais, ce serait pas très malin, mais bon. Après tout, on n'a pas vu grand-chose de très malin chez Christian Horner des fois aussi. Mais non, blague à part, mais il y a eu quand même pas mal d'histoires de surtout sur les réseaux sociaux, voilà, qu'on voyait beaucoup de fans qui se disaient c'est pour Hamilton qui fait le cobaye sur les réglages, c'est toujours Hamilton qui change de réglage de dernier moment et ça ne réussit pas. Et en fait, je pense que toute cette histoire est un petit peu montée de tout ça, et qu'il y a un petit malin dans son coin en Angleterre, ou ailleurs, un fan de Lewis Hamilton qui a dû se dire, tiens, je suis bien malin. J'ai eu accès à tous les emails de la chaîne journaliste d'Horner via le scandale. Il a dû la récupérer, voilà, effectivement, d'une manière ou d'une autre. Il dit, j'ai utilisé cette jolie liste qui a été publiée, lors du scandale Horner pour faire mon petit truc à moi perso dans mon coin, histoire de, tout bon fan de Lewis Hamilton que je suis, je veux dénoncer le fait que mon équipe de cœur ne supporte plus correctement mon équipe, mon pilote de cœur, et ne pas se faire une raison sur le fait que Lewis va s'en aller de chez Mercedes, et mais il n'y a strictement, effectivement, aucun sabotage. Quoi. Ça arrive le week-end où finalement, en fait, c'est Hamilton qui est avantagé par la stratégie Mercedes, puisque C'est Mercedes, ça, il est dur à Russell qui ne fonctionne pas. C'est ça. Mais avec une Mercedes, de toute façon, qui maintenant est plus constante, qui, voilà, il y aura beaucoup moins, effectivement, aussi de tests de ce genre-là. Donc, les choses vont vraiment se normaliser. Et comme peu de chance, on va avoir une grosse demi-saison de bonne bataille entre Hamilton et Russell à armes égales, on va dire, en termes de réglage et de compréhension de la voiture, et sans avoir besoin de faire effectivement ces changements de réglage dernière minute. Après, ça empêchera pas d'avoir des paris, hein. Comme tu l'as dit, il y a un format sprint le week-end prochain. Peut-être qu'on lancera les deux pilotes sur deux réglages différents, et celui qui se sera préparé avec le meilleur réglage filera ses réglages à l'autre, et l'autre découvrira sa monoplace directement dans les qualifications sprint et devra faire avec. Donc maintenant, voilà, les ingénieurs savent très bien tel réglage va bien pour Russell, on sait comment légèrement les adapter pour Hamilton, parce qu'ils connaissent bien effectivement le style des deux pilotes. Et voilà, j'ai hâte de voir une belle saison animée entre les deux, et surtout d'aller voir les titiller aussi, McLaren, Ferrari, Red Bull devant pour la gagne, quoi. Ce serait beau d'avoir une quatrième équipe qui pourrait gagner cette année, quoi. Ouais, clairement, c'est sûr que ce serait vraiment pas mal. Mais effectivement, oui, après, je vois Lilia Popa dans le chat qui dit qu'il croise ce genre de choses, malheureusement, beaucoup de gens, hein, faut pas se... Bah oui. Les fans avaient déjà ces théories-là. Les fans avaient déjà ces théories-là avant même que ça soit envoyé par mail, donc c'est pas plus mal que ça puisse permettre de résoudre un peu le truc. Au moins, ça va calmer un peu les choses autour de ces bruits, et puis comme tu dis, Franck, de toute façon, avec le niveau qu'a Mercedes, a priori maintenant, on n'aura plus trop de problèmes là-dessus. L'équipe suivante, c'est Ferrari, avec la cinquième place de Charles Leclerc, la sixième de Carlos Sainz. J'ai un petit peu... j'ai des choses à dire sur les deux pilotes, mais on va pouvoir y aller tranquillement. C'est vrai qu'il y a eu un week-end assez animé. Les deux se sont qualifiés 5 et 6, ils n'étaient pas contents, globalement. Hein, le Ferrari était en retrait, ils auraient voulu se battre pour la pole, et puis en fait, ils se sont rendu compte qu'il y avait trois équipes qui faisaient mieux qu'eux. Donc pas encore d'alerte totale chez Ferrari, mais McLaren se rapproche petit à petit au championnat, et puis on a quand même des choses qui font que les évolutions n'ont pas l'air de fonctionner aussi bien que chez McLaren notamment, et chez Mercedes du coup qui est revenu largement sur Ferrari. Avant qu'on passe à la performance des pilotes, puis ça mènera d'autres débats. Alex, toi, t'en penses quoi de l'évolution de Ferrari? Est-ce que tu penses qu'il y a danger, ou est-ce que c'est aussi une question de comprendre les évolutions? C'est vrai que Leclerc était clairement déçu après les qualifs, hein, donc ils finissent quand même à 3 dixièmes de Verstappen et Norris, de Norris et Verstappen, donc sur un circuit qui est relativement court, c'est quand même inquiétant, sur un circuit qui est relativement représentatif, mais quand même de moins en moins avec les circuits urbains, du reste des tracés, c'est aussi inquiétant. Et donc on peut s'inquiéter a priori, mais Vasseur, lui, n'est pas du tout inquiet. Il a dit en réalité, d'une part, on est content des évolutions, la corrélation est bonne, elles ont produit les chiffres et l'appui aéro qu'on attendait. Et de plus, hein, ce qui semble clairement sous-entendre, et c'est un article qu'on publiera demain, c'est que c'est la théorie de, vous savez, quand on amène une évolution, elle ne marche pas toujours, hein, elle ne marche pas immédiatement, il faut trouver les bons réglages. Et même l'an dernier, on a vu des évolutions qui n'ont pas fonctionné tout de suite. Donc, il disait, voilà, laissez-nous le temps de bien les comprendre. Le problème, c'est que le temps, les équipes de F1 n'en ont pas. On a dit, l'Autriche, c'est un format sprint, vous avez une heure d'essai libre et c'était déjà terminé. Donc, voilà, autrement dit, c'est rien du tout pour comprendre les évolutions. Alors, certes, il y a beaucoup de Grand Prix, mais peu de temps pour comprendre les évolutions. Il faut faire attention à ce que Ferrari donc, ne décroche pas dans la course au développement. Hein. Je ne dis pas qu'on prend cette direction, mais c'est toujours un risque quand on voit une telle évolution et quand on voit que Ferrari a terminé de très, très, très peu. Mais voilà, derrière Mercedes, en qualif, c'est quand même déjà un renversement de situation assez considérable, hein, par rapport au début de saison. Vasseur, il est à la fois rassuré, alors est-ce que c'est de la méthode Coué ou pas, il est un peu agacé quand on lui dit, mais regardez, est-ce que vous ne trouvez pas que McLaren développe beaucoup plus fort que Ferrari? Il répond en disant, mais souvenez-vous, Silverstone en dernier, Ferrari, on termine à 20 secondes des McLaren. Bon, après, il prend un point de comparaison, hein. Silverstone, c'était la belle course de McLaren qui était très fort dans les virages vitesse. Voilà, je pense que ça va sûrement fluctuer de circuit en circuit. Ça va, les évolutions vont sûrement mieux fonctionner chez Ferrari, mais bon, il faudrait qu'elles fonctionnent tout de suite, hein, parce que les autres apportent aussi des évolutions qui peuvent aussi fonctionner tout de suite. On l'a vu avec McLaren à Miami, c'était flagrant. Voilà, donc c'était un bilan qui n'était pas encore très absolument inquiétant chez Ferrari, mais qui est quand même pas terrible. Je pense que voilà, la mythe de Leclerc après le qualif, elle dit beaucoup de choses. Hein. On attendait mieux du côté de chez Ferrari et il va falloir que ça fonctionne vite. Hein, le problème, dès l'Autriche, si ce n'est pas l'Autriche, au moins des Silverstone, parce que sinon, là, oui, peut-être qu'on pourra commencer à s'inquiéter. Hein. Vasseur le dit d'ailleurs, on mène autant d'évolution que les autres. Puis d'ailleurs, même quand vous ne voyez pas, comme Manu le fait à chaque QL1, il fait la liste des évolutions, la liste des pièces, mais Vasseur dit, il n'y a pas que cette liste des pièces aussi, il y a tout ce que. Il ne se voit pas, tout ce qui ne se liste pas. Voilà, après, il y a la vérité du chrono, hein, c'est le juge de paix. Et ce juge de paix, bah, il plaidait un peu coupable du côté de. Il accusait plutôt Ferrari. Ouais, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Après, il n'y a pas péril dans la demeure, mais non, depuis la victoire de Monaco, il y a un petit retrait. Et c'est vrai que, en fait, Vasseur a dit un truc. Vasseur a dit voilà, si on n'amène pas d'évolution, on est mort. Et c'est vrai que. C'est vraiment ça. Moi, je trouve que c'est la phrase quasiment la plus intéressante du week-end parce que, en fait, les équipes sont en flux tendu sur les évolutions et c'est le strict minimum. C'est-à-dire que si elles font pas ça, elles sont complètement larguées. Et même en faisant ça, il n'y a rien qui garantit que l'équipe va pas perdre quelques dixièmes relatifs et quelques places par rapport aux autres équipes, quoi. Donc c'est un jeu qui est de plus en plus difficile à jouer parce que, au 1er juillet, vous avez une réglementation de 2026 qui sera publiée. En partie pour les châssis et qu'on pourra commencer certains travaux aussi dès 2025, notamment sur la partie mécanique et châssis. Donc, on va voir effectivement comment les équipes vont, si elles vont continuer à se tirer la bourre autant sur les évolutions là-dessus ou est-ce qu'elles vont consacrer leur budget développement sur le début des études de 2026. Donc, effectivement, c'est pas évident. Donc, ouais, Ferrari, pas de péril dans la demeure, c'est clair. Pour quelques centièmes, ça joue la troisième place en qualif. Bon, effectivement, première et deuxième place, donc Norris, Verstappen, c'est inatteignable. Mais la deuxième ligne, c'est largement jouable pour Leclerc et Sainz. Ça se joue. En tout cas, c'est pas du tout la grosse claque qu'ils ont pris à Montréal. C'était vraiment, du coup, effectivement, voilà, pour le coup, vraiment rassurant. C'est vraiment un one shot, de mauvais réglage, mauvaise utilisation de l'énergie aussi. Je pense qu'il y a aussi toujours un petit peu de ça chez Ferrari, hein, en termes de, peut-être de stratégie de développement de l'énergie à revoir sur les tracés, voilà, où il y a beaucoup de relances comme ça, ce qui n'est pas trop le cas à Barcelone. Barcelone, c'est beaucoup de virages assez ronds, assez flux tendus, donc il n'y a pas du tout cette même stratégie de relance en termes de motricité. Mais voilà, un troisième secteur, à Barcelone qui avant, quand il y avait la chicane, était vraiment représentatif un petit peu de ce qui pouvait se passer à Monaco. Là, il n'y a plus de chicane, le troisième secteur, il est quand même beaucoup plus rapide. Et c'est vraiment là, effectivement, qu'ils ont surtout payé un petit peu de ça. Donc, ça manque un poil de charge, ça manque un poil de performance, mais c'est effectivement pas catastrophique. Après, effectivement, on voit des pilotes Ferrari qui sont frustrés, parce que Sainz a gagné une course, Leclerc en a gagné une, et il s'attendait effectivement à pouvoir en gagner en enchaîner d'autres. Et là, c'est plutôt en train de repartir dans le sens McLaren qui va jouer et Mercedes commence un petit peu à confirmer que il y a un acteur supplémentaire pour la victoire et ça sera pas facile, quoi. Donc voilà, c'est super intéressant, hein, comme saison, c'est clair, c'est on a rarement vu ça. Voilà, même en 2021, c'était hyper tendu, mais c'était qu'entre deux équipes. Là, c'est entre quatre équipes, c'est à couteau tiré et ça se joue au centième de seconde, pour pas dire au millième. Donc voilà, super intéressant, hâte de voir la suite aussi. Donc, sur la partie performance, on va pas épiloguer plus que ça sur Ferrari. Comme tu l'as dit, Alex, introduction des évolutions, il faut maintenant les comprendre. Il y aura des analyses de Monza à Maranello en urgence avant l'Autriche. Et on va essayer de mettre un meilleur setup directement à Leclerc et Sainz. N'oublions pas qu'après le sprint, le parc fermé est quand même ouvert, donc il y a quand même possibilité. Le sprint cherche quand même un petit peu d'essai libre, grandeur nature, format long roulage, donc on peut quand même changer les réglages derrière. C'est pas aussi figé que ça n'était l'an dernier. Donc voilà, attendons de voir. Mais bon, le Red Bull Ring, c'est un petit peu le Canada aussi en termes de configuration. Donc attention à ce que Ferrari ne se reprenne pas les pieds dans le tapis, comme à Montréal. C'est ça. Et tu disais, ça frustre les pilotes. Et on a vu quelques éléments de cette frustration ressortir un peu. J'en profite juste avant pour remercier Thierry, T72 et Jockey qui sont abonnés à la chaîne ce soir. Mais merci à vous. Merci pour le soutien. Vous pouvez soutenir la chaîne, on rappelle, en vous abonnant, en faisant des dons, ce genre de choses. Évidemment, en nous suivant déjà pour commencer, puisque ça vous permet d'avoir toutes les infos par rapport au live, notamment savoir quand on est en live. Et puis après, si, comme vous avez dit, si vous nous aidez en vous abonnant, nous derrière, on peut produire plus de contenu. Donc c'est gagnant-gagnant. Alors en tout cas, merci. Surtout que je le glisse maintenant, on risque peut-être de faire un petit live surprise demain ou jeudi, suivant quelques signatures attendues. C'est possible. Voilà. Thierry qui nous dit avec plaisir de vous suivre régulièrement. Eh ben, merci beaucoup. Bienvenue dans le chat, parce que c'est ton premier message, mais j'imagine que merci de nous suivre régulièrement. Effectivement, c'est possible qu'il y ait des petites choses qui arrivent au niveau news dans les deux prochains jours. Restez stay tuned, comme on dit. Ça, c'était la page promo. On referme et je repasse sur Ferrari puisque j'avais deux petites choses à dire. La première, c'est Charles Leclerc qui nous a sorti un petit mouvement de colère en qualification où il a c'était en essai libre, où il a été gêné par Lando Norris et où il a mis un petit coup de volant. Alors lui a dit que c'était pour se dégager de la trajectoire et qu'il avait fait trop tôt et qu'il avait tapé la McLaren, mais le fait est qu'il est gêné et qu'il ralentit, il gueule à la radio et il met un coup de volant. Donc ça fait plutôt réflexe que réflexion pour se dégager de la trajectoire. Je voulais ouvrir une petite page un peu plus large là-dessus, puisque Lance Stroll a fait à peu près la même chose en allant tasser Lewis Hamilton en sortie de virage et en allant taper la Mercedes. Et les deux pilotes ont écopé d'une réprimande. Alors, on sait que quand Sébastien Vettel avait fait ça à Bakou en 2017, il avait pris un stop and go de 10 secondes, donc ce qui est quand même grosso modo une pénalité de 30 secondes, ce qui serait vraiment très important en termes de pénalité sur la grille si c'était à convertir. Et on voit que la FIA a accepté sans réfléchir et sans même mettre de quelque chose d'un peu plus grave les explications des pilotes, disant qu'en gros c'était pas voulu. Enfin, le pire c'est Stroll, parce que alors le pire c'est Leclerc, parce que c'est en ligne droite et lui il dit bon bah moi j'ai pas voulu faire ça, donc la FIA dit ok, on est en essai, c'est pas grave. Déjà moi je trouve ça pas normal, mais Stroll lui dit oui, je voulais lui montrer mon mécontentement, et la FIA dit c'est un comportement erratique qui aurait pu être dangereux. Mais c'est pas erratique du tout, puisque s'il dit j'ai voulu lui montrer mon mécontentement, il n'y a plus rien d'erratique, c'est volontaire et c'est prémédité. Donc en fait la FIA ne semble plus vouloir mettre de pénalité du tout en essai libre, donc apparemment ça peut devenir totalement le Far West. Et par contre Logan Sargeant a gêné un pilote en qualification, il a été dit pendant l'audience avec les commissaires qu'il n'avait pas eu l'ordre à la radio comme quoi il y avait quelqu'un qui arrivait derrière. Donc ça c'est normalement une circonstance atténuante pour la FIA qui ne met pas de pénalité dans ces cas-là, et lui a écopé de 3 places sur la grille. Donc c'est, enfin, moi je trouve ça totalement aberrant, puisque déjà pourquoi on ne pénalise pas des pilotes qui vont taper volontairement les autres, ça me paraît fou. Oui, effectivement, alors Lydia Popa, c'est pas la même direction de course à F2-S3, mais Tsoloff en F3 l'a fait et n'a pas été pénalisé. Et là, on retrouve cette impunité qu'on donne aux pilotes de dire bah, de toute façon, ils peuvent aller taper une autre voiture, il n'y a aucun problème. Moi, je trouve que, alors je suis un peu de ceux qui sont d'avis ultra violent, et je sais que Gaëtan Vigneron a parlé qu'il avait discuté avec Alex Wurtz, le président du GPDA, qui a dit pour moi, c'était pénalité obligatoire. Et moi, pour moi, je vais aller plus loin, je pense que. Soit une suspension, un départ en fond de grille et ou une suspension avec sursis aurait été le minimum, et une suspension pour la fin du week-end n'aurait pas été non plus scandaleuse, parce que là ça va, ça se passe bien globalement, il y a quasiment pas de cas, à part l'aileron avant de Norris et Stroll qui a cassé son propre plancher, mais je trouve que laisser les pilotes faire ça et le faire en plus dans un week-end où dans le paddock on retrouve des pilotes de F2, de F3 et de F1 Academy à qui ils sont censés montrer l'exemple, c'est envoyer un message totalement irresponsable et totalement dangereux de dire bah, faites ce que vous voulez, tant que c'est pas en qualif et en course, personne ne viendra vous faire chier avec ça. Et je ne comprends pas, et je comprends pas de la part de Leclerc, parce qu'il n'est pas coutumier du fait. Stroll, c'est pas son premier mouvement de colère, mais c'est pas non plus quelque chose qu'il fait très régulièrement à ce point-là. Et voilà, je trouve que c'est un peu scandaleux, à la fois ce qu'ont fait les pilotes et à la fois la réaction de la FIA. Je sais pas ce que tu en penses, Alex. Bah oui, non, je suis d'accord, hein, je suis d'accord avec toi, hein, c'est totalement irresponsable de la FIA. Et encore une fois, hein, si jamais Leclerc avait tamponné une autre voiture, etc., là, il y aurait eu une pénalité très très rude. Donc encore une fois, on peut dire que la FIA a jugé les conséquences. Et puis, quel exemple on donne aussi à la F2, à la F3 et surtout à tous les jeunes qui sont en karting, hein, donc c'est assez incompréhensible de la part de la FIA. Hein. Pour moi, c'était au minimum une pénalité comme Sargeant, voilà, et en cas de récidive beaucoup plus. Donc c'est, du coup, en fait, on peut le faire en Autriche. Hein, c'est un peu le message qu'envoie la FIA. Donc c'est absolument incompréhensible. Moi, j'abonde à 10 000% ce que tu as dit, Manu. J'aurais pas jugé ça illogique de s'en tenir à une réprimande si la FIA avait fait suivre ces deux réprimandes par un simple message clair, net et précis en disant qu'à partir de maintenant, tout mouvement d'humeur en piste sera très sévèrement réprimé. Parce que c'est absolument inconcevable que des pilotes de F1 qui se battent avec c'est des armes hein, quasiment. Hein. C'est des voitures qui vont à plus de 300 à l'heure. Mal utilisées, ça peut faire très très mal. Ça peut partir en tonneau, ça peut faire tout ce que vous voulez. Ça peut faire du T-bone, ce qu'on appelle voilà, les crashs sur le côté. Mais pour rien en plus. Donc voilà, clairement, ce sont des pilotes qui certes fonctionnent à l'adrénaline. Mais en essai libre, justement, on n'est pas encore dans la règle de la qualif et de la course, donc on est encore un petit peu maître de ses émotions, à mon avis. Donc, j'aurais compris effectivement la position de la FIA si ça avait été suivi effectivement d'un message du style on va se réunir entre nous, on va essayer de disserter un petit peu, parce que c'est pas la première fois, évidemment, ces mouvements d'humeur, ce tassement de pilote pour montrer son mécontentement, ça arrive tout le temps, c'est. Voilà. Mais au bout d'un moment, il faut dire stop, pour de bon. Ok, vous avez été gêné, mais le fait d'aller tasser le gaz, ça va rien changer à votre vie. Par contre, ça ne peut apporter que des mauvaises choses derrière, notamment des choses graves. Donc, carton rouge de la FIA pour moi là-dessus, clairement. Ça aurait pu être un carton full vert s'ils avaient suivi, s'ils avaient dit OK, réprimande sur ce coup-là, mais maintenant, à partir de maintenant, c'est terminé. C'est-à-dire que quelqu'un refait un geste erratique, c'est effectivement 10 places sur la grille, c'est ben voilà, une suspension pour la suite du week-end, je serais bien, effectivement pas contre. C'est-à-dire, ça n'a rien à faire en Formule 1, quoi. C'est typiquement les choses qu'on voit aussi en karting. Voilà, c'est vraiment tout ce qu'on veut pas voir dans les petites formules, effectivement, où des fois on voit des petits jeunes qui se tapent sur la figure après des courses parce qu'il y a ce genre de comportement-là. Si vous voyez qu'en Formule 1, en essai libre, c'est même pas puni, on laisse s'en sortir, effectivement, c'est donner le mauvais exemple à toute la chaîne du sport auto derrière. Donc, un immense carton rouge qui aurait pu être un carton vert. Et c'est pour moi, c'est gâché. C'est une opportunité gâchée pour la FIA d'asseoir son autorité et de dire sur ce genre de truc effectivement extrêmement simple pour vous à respecter. Ah oui, tout le monde aurait compris. Voilà, exactement. C'est ça, c'est exactement ça. Et ça aurait valu un rappel global parce que là, ça arrive deux fois en une séance. Et en fait, ce que je comprends pas, c'est que c'était quelque chose qui était avant très mal vu. Encore une fois, quand Vettel l'a fait, il a été. Tout le monde a dit que c'était honteux, qu'il était super dangereux, qu'il n'avait pas réagir comme ça, alors qu'il avait l'impression de s'être fait brick tester, ce qui n'était pas le cas. Mais que du coup, c'était n'importe quoi d'avoir fait. Et il a pris donc son stop and go de 10 secondes. Il a dû faire des autres sortes de enfin, community service, c'est ce qu'on appelle des travaux d'intérêt généraux auprès de la FIA. Donc, c'était quelque chose que la FIA avait comme valeur importante de dire. On ne va pas toucher une voiture volontairement en fait. Voilà, un accrochage peut arriver, mais aller taper une voiture, et Vettel, c'était pneu contre pneu, donc c'était pas pire que ce qu'on fait les deux ce week-end. Et c'est pas normal en fait. Et moi, je trouve que limite le fait que, comme tu dis, ça arrive en essai libre, c'est presque une circonstance aggravante parce que c'est pas un moment du week-end où ils sont le plus sous tension. Et c'est pas un moment du week-end, je veux dire, Leclerc qui se fait ruiner un tour en essai libre, c'est pas grave. Stroll qui se fait ruiner un tour en essai libre, c'est pas grave. T'as pas à aller taper une voiture comme ça derrière. Alors. Ils sont humains et tout ça, je veux bien le concevoir, mais là on atteint quand même quelque chose qui normalement est réglé depuis le karting. Et c'est vrai que les incidents les plus violents de ce type-là, on les voit en karting, et après normalement ça fait aussi le tri sur les pilotes selon lesquels on a la capacité mentale à se tenir. On a vu des incidents plus récents en F2 notamment, ce genre de choses, mais il faut pas oublier que ce genre de choses en F2, c'était des pilotes comme Nikita Mazepin qui le faisaient, c'était pas des Leclerc, c'était pas des Stroll, donc moi je trouve ça vraiment dommage, et encore une fois, bah, totalement. Opportunité manquée de la FIA, dont finalement le message global qui passe du week-end, c'est gêner un pilote involontairement, c'est plus grave que d'aller taper un pilote volontairement. Et ça, pour moi, c'est un message qui est catastrophique parce que ben, c'est ça met un, comment dire, ça inverse les priorités d'une manière vraiment totalement grave. Destruction Derby. Ah bah complètement, hein. Bah, apparemment, tant que c'est jusqu'au samedi matin, c'est bon. Après, t'as pas le droit de gêner. Faut taper, pas gêner. C'est ça. À partir du samedi midi, on arrête les conneries, on ne tape pas les autres. Non, non, mais c'est complètement débile. Et on ne se gêne pas, surtout. Et encore une fois, l'an dernier, par exemple, Leclerc gêne un pilote, mais il n'a pas été prévenu, il ne prend pas de pénalité. Donc là aussi, il y a zéro constance de la FIA. Est-ce qu'on est surpris? Non. Est-ce qu'on est énervé? Oui. Mais c'est vraiment un gros gros problème. Bien sûr, voilà, le cas comme il y a le cas, les piercings chez les pilotes ont beaucoup plus d'importance que ça aussi. Bon, ça c'était le combat de Ben Solheim, c'était pas le combat des commissaires. Oui, non, c'est sûr. Ah, accrochons un peu les choses quand même aussi. Non, non, mais le problème c'est que la FIA continue de se baigner dans des trucs qui sont totalement ridicules. Et là, c'est vrai que le problème c'est que la direction de course a vraiment des enfin des ouais. Bon, la direction de course a demandé une enquête, mais les commissaires sont complètement à la ramasse. Donc Oui, en plus, ils ont mis à Sargent alors qu'il partait 20e. Bref, c'est ridicule. Et le deuxième petit coup de gueule que j'avais poussé, c'est chez Ferrari, c'est évidemment quand on a le compte de Carlos Sainz, qui a passé le week-end à se plaindre et qui, quand quelqu'un s'est plaint face à lui, a dit: il arrête pas de se plaindre. Donc là, on a envie de dire, Carlos, écoute-toi un peu. Prends un peu de recul. C'est incroyable. Ah ouais. C'est-à-dire, le mec se plaint à chaque fois. Je crois que c'était Oscar Wilde qui disait: un égoïste, c'est celui qui pense pas à moi. Ah mais c'est trop ça. Et c'est vrai qu'il passe le week-end à se plaindre et tout. Et à la fin de la course, il dit: oh, de toute façon, Leclerc, il arrête pas de se plaindre. Et là, tu fais: la vache. Enfin, vraiment, revois tes interviews. Fais-toi encadrer par quelqu'un qui surveille tes médias, parce que vraiment, c'est lui qui passe pour un imbécile. Donc, je peux comprendre, encore une fois, il y a la chaleur du moment et tout ça, mais là vraiment c'est alors non, Warius, on n'ira pas à ce point-là au niveau de la violence, mais voilà, l'important c'est de que ouais, Carlos Sainz aurait besoin peut-être un petit peu de prendre du recul sur ce qu'il fait lui et de prendre du recul sur ce que font les autres et de voir qu'en fait le faut balayer devant sa porte avant d'aller taper sur les autres. Et là c'est vrai que, et oui, ses moves au premier virage, c'était un petit peu osé. Alors est-ce qu'on parle de la des petits accrochages entre les deux pilotes? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est pas grave? Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça peut présager de quelque chose d'un peu plus nerveux chez Ferrari pour les prochaines courses? Et qui est responsable selon vous, Alex? Là encore, Vasseur, je le trouve très dans la méthode Coué et tout va bien. Hein. Attention à pas à adopter la méthode Binotto. J'en rigole, mais j'ai l'impression qu'on est sur cette tendance-là, parce que donc Vasseur dit tout va bien, c'est grâce à leur émulation, c'est-à-dire qu'ils sont très proches en piste, ils se poussent, etc., l'un l'autre, en termes de performance, et c'est grâce à ça qu'on peut signer des gros résultats. Donc c'est vrai, hein, il y a un côté émulation qui est très clair, mais regardez, Verstappen et Norris, ils n'ont pas besoin d'être poussés à bout par leurs coéquipiers pour faire des performances étourdissantes. Hein. Je pense qu'il y a un sujet, clairement, hein, de toute façon, c'est normal, hein, Sainz, il ne va pas se faire virer par Ferrari, hein, de toute façon, donc il a plus trop rien à perdre. C'est normal de voir les tensions un petit peu grandir. Pour moi, il n'y a pas une ambiance qui est formidable chez Ferrari, mais qui n'est pas non plus malsaine, hein, c'est ce qui arrive quand on a deux pilotes très proches aussi. Donc le problème, c'est que le fait que Sainz s'en aille, les sanctions possibles de Vasseur ont perdu en autorité, et on se situe dans ce domaine-là d'impossibilité pour Vasseur de faire autre chose que de dire, de passer des consignes et d'essayer de sauver les meubles après. Hein. Voilà, sa position est très difficile et personne ici pourrait franchement faire mieux. Donc voilà, je pense que ça va être aussi, on n'est pas à la moitié de la saison, donc forcément, il y aura des moments encore plus chauds que cela. Ouais, ça se tasse tous. Heureusement, sans conséquence, on va dire premier avertissement sans gravité pour Ferrari, mais effectivement, il va falloir quand même recadrer un peu tout ça, parce que les deux se sont quand même bien entretenus à la sortie de la course, un peu à l'écart des caméras, avant d'aller affronter les micros. Donc, je ne sais pas quels échanges ils ont pu avoir, mais ça a très certainement discuté, à mon avis, de cette manœuvre-là. Donc voilà, effectivement, Vasseur de calmer un petit peu les deux. Donc, voilà, sans conséquence sur ce coup-là, mais il ne faut pas qu'il y ait d'animosité qui traîne pour rien, quoi, là-dessus. Donc, après, voilà, on sait que Leclerc et Sainz s'entendent aussi quand même plutôt bien en dehors des courses. Après, ils savent faire la part des choses aussi. Après, bon, il faut quand même aussi tenter des dépassements en Formule 1, donc on ne peut pas non plus jeter la pierre, effectivement, sur tout ce qui se passe en piste, si ça va un petit peu au contact. C'est aussi un peu le jeu de la course aussi, donc j'ai pas non plus envie qu'on ait deux pilotes trop polissés non plus dans leur intervention. Donc voilà, tant qu'on rentre pas dans une animosité pour faire la transition du style de celle de chez Alpine, ça va encore. C'est vrai qu'il n'est pas allé à la Vasseur n'est pas allé à la Bruno Famin School of Communication. Mais effectivement, non, après c'est juste, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, mais la bataille Norris-Russell a été absolument somptueuse, puisqu'ils se sont affrontés sur plusieurs virages de suite, sans se toucher, en se laissant de la place, en se dépassant par l'extérieur, en se redépassant par l'extérieur. Donc c'était absolument superbe, et ça montre à tous les autres, à tous ceux qui sont venus forcer au dépassement ou se taper ou quoi, que bah non, c'est possible aussi de laisser de la place. Donc Voilà, c'est un petit peu vu. Après, c'est vrai que, comme demande Yann, il a fini son dépassement dans l'échappatoire et il n'est pas pénalisé. Donc, c'est encore la FIA. Parce que donc, Sainz dit oui, on n'applique pas toujours le règlement. Hamilton m'a légèrement mis dehors et tout ça, il aurait dû être pénalisé. Mais Sainz, lui, coupe la chicane pour finir son dépassement. Personne ne dit rien et Sainz lui-même ne fait pas trop cas de ça. Mais bon. Voilà, en tout cas, c'est vrai que pour reparler du duel Russell-Norris, moi j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que c'est la F1 qu'on veut voir en fait. C'est pas, on veut pas voir des pilotes qui se tassent, qui se tapent, qui gueulent à la radio. On veut voir des pilotes qui savent, enfin qui montent, qui savent lutter. Et c'est, pour moi, c'est le sommet du sport auto. Et la lutte qu'on a vue sur quelques virages entre Russell et Norris, c'est le sommet du sommet. Donc je trouve ça vraiment magnifique. T'inquiète pas, Johan, sur la rumeur Sainz Alpine, on en parle. Ça arrive. Dans Alpine. On en parle dans Alpine, c'est-à-dire tout de suite. Alors, on en parle de plus plus tôt dans cette émission, ça c'est incroyable quand c'est même. Saluons le travail effectué. N'allez pas vous coucher pour autant après, il y a quoi de choses à dire. Non, mais oui, bien sûr. On peut peut-être garder la rumeur Sainz pour la fin de l'émission. Je rigole, mais Alpine, bien. Hein. On a eu Gasly 9e, Ocon 10e. Ils se sont qualifiés 7 et 9, ont été sur la grille 7e et 8e avec la pénalité de Perez. Et effectivement, globalement, ça va beaucoup mieux en performance là-dessus. S'il y a bien un truc qu'on ne peut pas enlever à Alpine, c'est le travail qui a été effectué dans l'ombre. Hein. Quand une fois, on dit toujours de respecter les centaines d'ingénieurs qui travaillent sur les voitures, parce que justement, il y a du taf de fait et que quoi qu'il arrive, au-delà de tout l'amateurisme qu'on peut dégager d'une équipe sur sa façade, qui est en l'occurrence ses personnalités connues, derrière il y a des centaines de personnes qui travaillent. Et l'Alpine, le fait est qu'en moins d'une demi-saison, on est passé d'une voiture qui jouait 19-20 sur la grille aux deux premières courses à une voiture qui joue des doubles Q3. Et là-dessus, un gros point positif pour Alpine. Bravo aux pilotes aussi, parce qu'eux, on leur file une voiture, ils font le taf à chaque fois. La voiture vaut 20e, ils la mettent 20e, parce qu'ils ne peuvent pas faire mieux. Mais la voiture vaut 15e, ils font 15e. La voiture vaut 10e, ils font 10e. Donc là-dessus, c'est très très bon. Moi, j'aurais rien à rajouter de plus sur sportif. Je ne sais pas de votre côté si c'est le cas. Moi, je vais très le problème, c'est que ce que disait Gasly, c'est qu'on ne comprend pas pourquoi on est. Oui, alors il y a ça quand même. On est rapide, hein, ça montre qu'il n'y a pas une bonne compréhension de l'Alpine encore. C'est un circuit qui leur a bien profité aussi l'an dernier, donc ces deux réserves étant posées, c'est peut-être la plus franche progression sur le plateau hein, depuis le premier Grand Prix. Moi, j'ai malheureusement une théorie sur le pourquoi. Vas-y. Une théorie sur le pourquoi ils ont mieux fonctionné ici. Vas-y. D'ailleurs, comme l'an dernier, et ça se confirme, c'est pas un circuit de moteur. Ah. Et on l'a vu d'ailleurs quand Pierre Gasly a dû faire des dépassements au DRS, il a quand même beaucoup de mal à la passer les voitures au DRS, alors que ceux qui ont passé au DRS passaient plutôt facilement, notamment sur les RBF1. J'ai revu la course cet après-midi, j'avais vraiment les images en tête et voilà. Et c'est plus un circuit effectivement d'aérodynamique et de châssis. Et je pense que le moteur Renault commence vraiment à montrer les signes, pour le fait qu'il n'y ait pas eu de réajustement des performances du moteur, hein, puisque Alpine et Renault n'ont pas souhaité faire appel de la décision qui a été de ne pas redonner un peu de développement au moteur et qui serait entre 20 et 30 chevaux moins puissant que les Ferrari, Mercedes et Honda. Mmh. Donc je pense que sur un circuit où le moteur est moins impactant, les Alpines se sont mieux tirés. Et voilà, j'en veux comprendre effectivement les dépassements en ligne droite qu'il va faire pendant la course où c'était plus délicat. Et pour moi, et du coup, on va pouvoir en faire la transition aussi là-dessus, parce qu'effectivement, sur le plan sportif, j'ai pas plus à dire là-dessus, c'est que ça va être, à mon avis, un petit peu l'arrêt de mort du moteur Renault, à mon avis. Puisque voilà, la grande rumeur, puisqu'on va parler effectivement du retour de Flavio Briatore aussi, la grande rumeur, c'est qu'effectivement, Renault arrêterait son programme moteur 2026 pour devenir cliente d'un motoriste. Alors effectivement, le favori serait Mercedes, mais pourquoi pas aussi aller voir du côté de Honda. Audi ne peut pas parce qu'Audi est un nouvel arrivant. Ferrari, on voit pas trop les liens pour. Et donc voilà, ça a beaucoup discuté entre Flavio Briatore et Toto Wolff. Et quand on ne dément pas, clairement qu'il est hors de question de renoncer à son programme moteur pour 2026, quand on ne dément pas ça clairement en disant vous êtes absolument fou, c'est pas du tout hors du jour, ça prouve que c'est très très bien à l'ordre du jour, que c'est étudié. Et que c'est aussi une manière pour Renault de gagner de l'argent, hein, soyons clairs, puisque le programme moteur Aviry coûte cher, puisqu'il n'y a pas du tout de clients pour ce moteur. Donc c'est que de la perte, hein, quasiment, hein, on va dire. alors qu'un moteur client, bah, c'est un moteur à 15 millions ou 20 millions, je ne sais pas quel sera le prix fixé des moteurs en exercice, mais c'est 10 fois moins que ce qu'engloutit Viry-Châtillon chaque année pour développer son moteur. Et je suis désolé pour s'il y a des motoristes de Viry qui nous écoutent, que ce soit en direct ou en podcast, mais malheureusement, je pense que là, s'il va falloir trancher, je pense qu'ils ne vont pas hésiter. Flavio Briatore, on le connaît. Et on sait que son amitié pour Viry était très sympathique au moment des V10 Renault. Elle a été beaucoup moins à l'époque des V8, même si le moteur était excellent. Et s'il a l'occasion effectivement de tout recentrer en Angleterre, se passer de la guéguerre France-Angleterre qu'il y a eu constamment entre Enstone et Viry, ils n'hésiteront pas, surtout si pour un moteur Mercedes à l'arrière. Ils ont déjà eu un moteur Mercedes, hein, plus rappelons-le, à Enstone. C'était pas un constructeur en tant que tel. C'est ça, donc... Donc voilà, on a bien vu des liens entre Aston Martin et Honda, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas d'un Alpine AMG ou un Alpine Mercedes pour la grille en 2026. Pour moi, cette course a prouvé, et j'attends de voir d'autres courses, que le moteur Renault, certes il n'est pas dans le coup, mais c'est un gros pari de penser qu'en 2026 il serait dans le coup. Ils n'ont jamais vraiment été dans cette ère hybride, ils ont rattrapé leur retard à faire un truc qui tenait à peu près la route, ils n'ont jamais été... dominants comme ils l'ont été avant l'ère hybride, ou alors capables d'être au niveau. Donc voilà, j'ai malheureusement pour Alpine, je pense que c'est un peu la mort du moteur Renault, que Flavio Briatore, dont on va parler maintenant, va trancher dans le vif. Ce qui est fou, c'est que Famin dit oui, c'est des rumeurs qui déstabilisent l'équipe, mais en même temps, il dément pas du tout les rumeurs. J'allais exactement aller là-dessus. C'est que voilà. Il était limite vraiment scandalisé, genre. Non mais quand même, ces rumeurs-là, c'est pas normal, machin. Mais à aucun moment, il dit non. Et dans ces cas-là, tu t'étonnes pas que derrière, il y ait des rumeurs. c'est la base du truc. Une rumeur, si tu veux pas qu'elle existe, tu la dément fermement. Et même quand elle est fausse, d'ailleurs. C'est pas le cas, donc ça veut tout dire. Hein. Bah bien sûr. Et moi quand même, je me pose un gros problème. C'est que oui, d'accord, ce serait sûrement mieux en termes financiers pour Alpine d'avoir un moteur client. Ce serait sûrement mieux en termes de performance, malheureusement, mais en termes d'image et de communication, c'est un désastre. C'est un fiasco absolu. Pour moi, c'est vraiment un naufrage. Parce que, et là je ne pèse pas mes mots. Parce qu'il y a comme le retour de Briatore, hein, d'ailleurs. Ah ben ça, on en reparle après, t'inquiète. Mais pour moi, l'arrivée d'un motoriste client chez Alpine, c'est un naufrage. Il y a quand même un an de ça, il nous parlait de faire une Ferrari à la française. Ferrari, les mecs chez Ferrari doivent être morts de rire en voyant Alpine en disant bah ouais, Ferrari à la française, bien joué les gars. Nous on a pris un français, il nous a fait une Ferrari à l'italienne, elle est bien mieux. Donc non mais c'est absolument aberrant et en fait, enfin c'est pour moi c'est la fin du pour moi c'est la fin du projet en tant que tel. Après pour moi il y a vraiment on passera un cap parce que s'ils vont par exemple pour un moteur Mercedes, il y aura une équipe McLaren qui fera mieux qu'eux. Possiblement en tout cas, parce que McLaren a vraiment quand même beaucoup plus d'infrastructures. Mercedes fera mieux qu'eux aussi. Ils auront tous les inconvénients d'un comment dire, ils auront les inconvénients d'une équipe client avec un département Enstone qui n'est pas parfait non plus, parce que cette année le problème ne vient pas que de Viry et l'an dernier non plus. Donc moi j'ai un peu peur qu'en fait tout ça ne soit une stratégie que de Fossoyeurs, et d'ailleurs on a appelé Briatore pour le sale boulot, on y reviendra après je pense, mais c'est-à-dire que pour moi, fermer Viry et faire d'Alpine une équipe client, ça fait du mal à l'image, mais ça ils s'en foutent un peu, de toute façon après ils vont vendre des voitures électriques qui n'auront plus grand-chose à voir avec la F1, et ça permet que si jamais le châssis est encore raté en 2026, et ben on revend, et au lieu de revendre un ensemble de deux usines qui vaut 3 ou 4 milliards et qui est invendable en l'état, parce que personne ne mettra 3 ou 4 milliards aujourd'hui dans une équipe constructeur de Formule 1, on revend une structure excellente qui vaut probablement 1 milliard, peut-être plus ou moins, mais qui est vendable, qui trouvera des acheteurs et qui permettra de partir la tête basse, mais de limiter la casse. Et j'ai un peu peur que ce soit... le master plan de Demeo en fait, parce que Alpine ça coûte du fric et eux ils sont pas, et c'est pas, enfin l'équipe est rentable mais malgré tout ça fait de l'argent pour le groupe Renault, On se rappelle que les actionnaires étaient quand même globalement plutôt pour fermer le programme F1 il y a quelques années au moment du Covid. Ça a été sauvé en disant on arrête d'impliquer Renault parce que Renault c'est une image de marque du peuple, c'est une image de marque vraiment, c'est le groupe Renault donc on ne peut pas avoir ce programme F1 qui est aussi proche parce que les décisions impactent trop l'image de marque. Mais malgré tout, ça reste le groupe Renault. Et je pense que il y a quand même des grosses décisions qui sont en train d'être réfléchies sur est-ce qu'il faut continuer ou est-ce qu'on arrête le massacre. Et je pense que le désengagement du programme moteur, c'est un premier pas vers un désengagement total, si besoin. Mais après, Moi, je serais moins convaincu si on voit Domeo qui a l'air vraiment persuadé que la F1, c'est la bonne plateforme. Là, je pense qu'il cherche juste à être le plus performant possible dans l'idée justement de vendre la marque Alpine. Et on peut imaginer un moteur au budget, hein, sous une marque qui arrange plus Renault que d'autres, hein, un partenaire chinois, pourquoi pas, ou voilà, ou simplement, à la limite, même pas, voilà, rebadger. Donc, c'est clair que c'est une étape supplémentaire vers une vente, que ce sera un levier possible vers une vente, mais je pense pas que ça soit dans l'esprit, pour le moment, de Luca Demo, qui est plutôt dans l'esprit. Mais voilà, comment faire pour être compétitif au plus vite? Et peut-être qu'ils ont aussi des signaux qui sont pas bons du Oui, côté du moteur 2026. ça c'est Ils possible. se disent, bon, bah voilà, il faut changer maintenant. Mais je pense que ce serait quand même une mauvaise affaire de vendre une équipe de F1, alors qu'on sait que maintenant une équipe de F1, c'est rentable quoi qu'il se passe, que les performances peuvent quand même, hein, fonctionner et varier. McLaren a montré varier du tout au tout en un an, que maintenant être équipe cliente, c'est moins grave, même si on verra quand même en 2026 que par le passé. Donc, si Alpine refait des podiums, hein, je pense que bah, c'est comme McLaren aujourd'hui, hein, lorsqu'ils n'étaient plus l'équipe d'usine, ils étaient l'équipe d'usine avec Honda, ils ont abandonné leur statut d'équipe d'usine. Voilà, et maintenant, alors, quand même, ils refonctionnent. Donc, je pense que c'est vraiment l'option performance à tout prix et qu'ils ont recruté un seul type pour faire le seul boulot. Ouais, alors moi je sais pas, de mais où effectivement il y a deux stratégies. Il y a effectivement la stratégie du préparer effectivement la fosse commune et la revente. Il y a aussi la stratégie qui a peut-être dû plaider aussi au conseil d'administration, qui est peut-être de dire ben ok, on se passe du programme moteur et on tente le tout pour le tout avec une équipe qui serait uniquement sur Enstone. Et en gros c'est un petit peu la dernière chance quoi. Et on fait revenir un Flavio Briatore en tant que conseiller exécutif. Je rappelle, le terme exécutif a tout son sens dans ce rôle. C'est qu'effectivement, il a les pouvoirs. Certes, Bruno Famin est le directeur de l'équipe, mais soyons clairs, pour moi, Flavio Briatore est un peu devenu le supérieur de Bruno Famin. Après, je ne nie pas que Alpine avait besoin d'une figure forte. On en avait déjà parlé, hein. Voilà. Maintenant, effectivement, personne n'aurait imaginé que c'est Flavio Briatore qui serait cette figure forte de l'équipe, capable d'ouvrir son carnet d'adresses, ses contacts et autres. Maintenant, quel que soit le côté sombre du personnage et de ce qu'il a fait dans le passé en F1, il faut reconnaître que cette personne-là a énormément de contacts, peut agir sur pas mal de leviers, et potentiellement pour recruter, potentiellement pour faire des choix stratégiques forts, c'est pas inintéressant. Maintenant, en termes d'image, effectivement, c'est catastrophique. Faire revenir quelqu'un qui vous a fait plonger dans un scandale de triche il y a une quinzaine d'années, c'est absolument aberrant. On avait déjà parlé à l'époque des rumeurs où, voilà, on va pas non plus passer toute l'émission là-dessus, sinon on finit à 3 heures du matin. Mais voilà, Briatore, voilà, bah, retour confirmé. Et il a été extrêmement cash dans son discours. Hein, et moi, voilà. Fuck off l'image que vous voulez bien me donner. Moi, je suis là pour agir. Voilà. Et donc, lui, ce qu'il va faire pour agir, c'est effectivement bah, mettre les doigts là où ça fait mal. Alors, à Enstone, c'est vrai que c'est une équipe qui est assez vieille. Il y a encore pas mal de gens qui étaient de là, de l'ère de Briatore. Je parle même pas de l'ère Benetton Tolman, je parle surtout de l'ère, la fin de l'ère Renault 2008. Et il y a beaucoup de gens qui avaient une grosse animosité envers lui. Il y a des gens qui sont encore là. Donc, est-ce que ces gens-là ont passé l'éponge ou vont passer l'éponge ou voilà, bon, c'est toujours pareil. Hein, de l'eau a coulé sous les ponts. Donc, voilà, c'est en gros, voilà, bon, on se prend un shitstorm de quelques jours et finalement tout le monde va oublier. Dans une ou deux courses, on parlera plus que des décisions de Briatore, de recrutement de pilotes, de fin de l'arrêt du programme moteur. On parlera plus que de ça. On parlera plus du tout du passé de l'équipe d'Enstone. Soyez-en rassurés. Et voilà, donc, bah voilà, Bruno Famin, c'était pas la figure qu'il fallait pour ce genre de grosses décisions. on a choisi Briatore du côté de Luca de Meo. Luca de Meo, c'est le génie de l'automobile et Briatore, c'est le génie de la F1, comme il s'est autoproclamé. Donc, c'est Briatore qui est de retour en force. Et voilà. Et donc, un Briatore et un Marco ensemble dans un paddock, moi, je dis que ça va être super sympa au niveau des news. Oui. Alors, ça, nous, ça va faire notre bonheur. Ah oui. On pourra débriefer des choses, mais en fait, moi, pour moi, c'est le passé de Briatore ressortira encore plus en force si jamais son retour est un échec, s'il prend des mauvaises décisions. Ah oui. S'il n'est pas capable de faire ce qu'il ne faut pas oublier, que ce mec-là n'a rien fait de décisionnaire en F1 depuis 15 ans. Donc, le fonctionnement d'une équipe, il n'a pas forcément la meilleure vision du truc. Et je l'ai déjà dit et je le redis, en termes d'image, c'est catastrophique. Il faut oublier que c'est lui qui a provoqué la chute de l'équipe, hein, puisque à l'époque, c'est une équipe qui visait des victoires et qui avait joué les titres peu avant. Il est parti et l'équipe ne s'est jamais vraiment relevée de la manière dont il est parti, puisque alors, le site de la F1 a fait très joliment une petite. Comment dire. Je sais plus comment ça s'appelle. On appelle cette figure de style, mais ils ont dit qu'il avait quitté la Formule 1 en 2019 pour prendre du temps pour lui. Ce qui est très joliment dit, mais en fait, il a juste été suspendu pour triche. Et il a provoqué le départ de Renault et l'équipe d'Enstone Viry n'en s'est jamais vraiment remis. Donc, je résiste pas à l'idée de lire un extrait de la charte éthique de Renault, qui est partout. Chaque manager se doit d'être exemplaire et encourage son équipe à agir de manière éthique et responsable. Point. Fin 2009 et pardon Mario Zero. Donc ouais, c'est l'image renvoyée est catastrophique évidemment. Et après voilà, comme tu l'as dit, tant tout pour le tout, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre, et Briatore est là pour ça. Absolument. Alors Xoan, s'il n'est pas manager, c'est Famin, mais il est directeur exécutif. D'ailleurs, voilà, on peut parler de la position de Bruno Famin, puisque sa nomination, il est directement rattaché, non pas à Bruno Famin, mais à Luca de Meo, donc conseiller exécutif de Luca de Meo. On l'a vu dans le garage, il était copain comme cochon avec Luca de Meo en disant que c'est un génie, donc c'est clairement Luca de Meo qui a recruté Briatore. Par conséquent, c'est la position de Famin qui est fragilisée. Mmh. Il n'avait pas besoin de ça. Il méritait peut-être pas ça. Donc non. Après, l'autorité qui était un peu remise en question après Monaco, quand il a recadré Ocon en direct, là voilà, on lui flanque Briatore. Et je pense pas que Briatore, ça soit l'homme le plus discret du monde. c'est un bel euphémisme, ça. Donc la position de Famin est clairement fragilisée, même s'il essaie de faire bonne figure, hein. Mais voilà, ce n'était pas le directeur d'équipe à la position, à l'assise la plus solide, peut-être de manière injuste ou pas. En tout cas, Luca de Meo ne lui rend pas forcément un immense service, je trouve. C'est ça. Bon, voilà. Après, il nous reste un petit chapitre sur les pilotes quand même chez Alpine, voilà, parce qu'on va en parler, parce que sinon, on pourrait passer des heures là-dessus. Donc, bon, il avait quand même l'air d'être assez satisfait de Pierre Gasly, Flavio Briatore, parce que selon Claire, c'est plus Bruno Famin qui a décidé des pilotes, c'est Flavio Briatore. Hein. En même temps, ce serait quand même honteux pour l'équipe de venir critiquer les pilotes. Hein. Donc voilà, donc Pierre Gasly, s'il a envie de rester, c'est pas certain, parce que Pierre Gasly, il est quand même aussi courtisé par Audi. Et comme on sait que tout le monde est en train un peu de fuir Audi, le projet Audi, on pourrait se dire que Pierre Gasly a peut-être finalement le choix entre rester chez Alpine et aller chez Audi. Maintenant, voilà, ça va. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont être décidées. Le programme moteur de Renault, notamment, si on dit à Alpine, enfin à Pierre Gasly, tu auras un moteur Mercedes en 2026, je pense qu'il reste. Clairement, c'est une grosse assurance quand même de réussite. Parce que là, en fait, comme on l'a dit, les règlements vont être connus au 1er juillet. Les premiers règlements pour la partie châssis, ce genre de choses, pas pour pas développer avant, mais pour pouvoir intégrer correctement un moteur, il faut savoir ça le plus vite possible. Ce n'est pas le 1er janvier 2025 que vous allez décider ça. Donc, à mon avis, ça va très, très vite se régler, cette histoire de moteur. Et donc, je pense qu'effectivement, une Alpine Mercedes, c'est quand même plus sympa sur le papier qu'une Audi toute nouvelle qui arrive sur la base d'une Sauber Steak actuelle et un moteur dont on ne connaît absolument pas le potentiel. Et on a effectivement aussi la grosse rumeur Carlos Sainz, qui a eu l'offre de dernière minute lancée certainement par Briatore, qu'on a vu aussi en grande discussion avec Carlos Sainz Senior pour Carlos Sainz, effectivement. Donc, est-ce qu'il y a un projet Alpine Mercedes de dernière minute? Parce que je pense que c'est comme ça qu'il va être vendu aussi, hein, parce que même si c'est pas signé, je pense que Briatore a dû dire à Carlos, viens voir un petit peu, il y a du nouveau pour toi. on a le moteur Mercedes qui arrive, est-ce que ça peut intéresser ton fils? Voilà, le problème, c'est qu'a priori, d'après les rumeurs, nos sources et tout ça, c'est quand même plutôt très très bien engagé du côté de Carlos Sainz et Williams. Je suis pas certain, maintenant on est à l'abri de rien, je sais pas si ça a été signé ou pas. On n'est pas à l'abri que Carlos Sainz change d'avis comme ça. Mais maintenant Enstone, il a connu, il sait ce que c'est. Il voit comme que l'écurie va mieux, et peut-être qu'avec un Flavio Briatore et un bon moteur dans le dos, est-ce qu'il vaut pas mieux une Alpine Mercedes qu'une Williams Mercedes? Voilà, c'est une question c'est entre son âme et conscience, voilà, qu'il va faire choisir. Faut oublier que la présence de Briatore, ça peut être un point positif, mais pour certains, ça peut être un repoussoir aussi. Hein. C'est ça. Après. Moi, je pense qu'il y a des pilotes qui vont pas vouloir aller chez Alpine parce que c'est Briatore, quoi. Et même si le monde de la F1 oublie et que le monde de la F1 pardonne, mais je pense qu'à certains niveau image, c'est pas fou. Après, si Sainz ne vient pas et que Gasly s'en va, on a grosso modo trois candidats possibles pour Alpine qui sont Jack Doohan, qui lui de toute façon étant managé par Briatore semble avoir un baquet quasiment sûr l'an prochain, bravo à lui, et il faut un beau programme d'entraînement en plus, donc ça peut être une bonne chose. Et après concrètement les noms qui sont sortis actuellement, c'est Valtteri Bottas qu'on entend des fois de temps en temps et Guanyu Zhou. Si Gilly veut bien le soutenir et le filer de l'argent à Alpine, donc c'est dans le cas où il se retrouve avec un duo Joe Doohan, niveau ambition et signal envoyé, c'est pas non plus fou. Alors, attention, je ne dis pas c'est pas pour être méchant avec ces pilotes là. Il y a un petit comparo Mick Schumacher quand même. La quatrième option, c'est Mick Schumacher, effectivement, qui va rouler la semaine prochaine. Je pense que Mick Schumacher va plus servir de référence à Jack Doohan que d'être une vraie possibilité pour un baquet, soyons clairs. Hein, je pense que Flavio Briatore, manager de Jack Doohan, c'est Doohan qui sera. Voilà. Qu'est-ce que vaut un Doohan face à Mick Schumacher? C'est en gros ça qui va se décider. Il va en avoir plein le cul, Schumacher, de référence. Rappelons que les conflits d'intérêts n'existent pas, évidemment. Hein. Non, bien sûr, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Non, mais oui, Schumacher a déjà servi de référence pour Antonelli chez Mercedes, donc au bout d'un moment, est-ce que cette personne n'est pas juste autre chose qu'un baromètre? Je ne sais pas, mais... C'est quand il disait « je veux devenir la référence en Formule 1 », il pensait pas à ça. C'est bien, bien, bien joué. Non, mais c'est moche, parce qu'en plus, il y en a pas mal qui disent quand même qu'il pourrait avoir sa chance aussi. Mais c'est vrai qu'après, moi, je trouve qu'un Mick Schumacher, s'il perd Gasly, le faire venir Schumacher, c'est presque le meilleur chose en termes d'image qu'il puisse faire, mais bon. Ou Bottas, parce que Bottas, ça reste un bon. Ouais, on dit Joe l'enfer. Joe, franchement, je ne le vois que dans un seul scénario, c'est qu'il revende Viri à Gilly, et c'est Gilly qui paye tout le programme moteur et il se défonce là-dessus, quoi. Mais pour moi, ça peut être tout le scénario qui est envisagé, parce que ça restera comme les hommes de Viri, ça restera comme les infrastructures de Viri et les moyens de Viri. Donc, parce que maintenant, il y aura aussi un budget cap de développement moteur. Donc c'est pas pour plus mettre en plus des centaines et centaines de millions de dollars comme on l'a fait en 2014. Tout ça est aussi très encadré en termes de développement. Donc c'est simplement un autre nom sur Viri, quoi. Donc ouais. J'y crois assez moyen, cette piste de Joe chez Viri, surtout si Briatore qui est là, quoi. Ça dépend du chèque proposé, ouais, je pense. Bon, on va enchaîner, messieurs, parce que mine de rien, le temps passe. Et puis bon, là, on sort de la zone des points. On parle de l'équipe As avec la 11e place de Nico Hülkenberg, la 17e de Kevin Magnussen. Pas grand chose à dire sur le week-end de As. C'était pas si mal, mais c'était pas suffisant pour avoir des points. Mieux qu'Aston. Oui, mieux qu'Aston Martin, globalement. Ouais. Donc ça, c'était plutôt bien pour eux. Hülkenberg, je crois qu'il en est à 5 11e place. Ouais. Cette année, donc lui, il milite pour le barème des points en moins dans les 12 premiers. Ouais. Barème pour les 12 premiers, pour les 20 premiers, hein, c'est-à-dire pour ceux qui ont suivi un petit peu. Il y avait deux barèmes qui sont un petit peu étudiés. On verra ce qui sortira de la commission F1 qui précédera le Conseil mondial le 28 juin, si je me trompe pas. Donc je pense que peut-être demain ou après-demain, on aura peut-être quelques décisions sur 2025 et peut-être le fameux barème, effectivement. Mais voilà, c'est typiquement les cas de figure où la Formule 1 est extrêmement serrée. Et ben voilà, Hülkenberg est encore le premier à ne pas marquer. Ouais, Hülkenberg a fait quand même un très bon week-end. Rappelons qu'il n'y a pas eu d'abandon, pas de drapeau jaune non plus. On en reparlera pour Williams. Pour la deuxième fois d'histoire seulement, et il fait 11e. Donc voilà, Hülkenberg, c'est un grand prix pour moi quand même très solide. Hein. Il était devant Alonso, il était proche de Conn dans une bonne partie de la course, la première moitié de la course. Donc, et puis il a eu, je crois, une pénalité de 5 secondes parce que est allé trop vite dans la pit lane. Bon, ça c'est une erreur évidemment bête, mais voilà, Hülkenberg était quand même encore un ton au-dessus de Magnussen, qui a encore eu des problèmes de trafic en qualif. Alors ça, c'est quand même incroyable. Alors, je ne suis pas non plus sur les onboards de Magnussen à chaque Q1, mais à chaque Q1, il se plaint. Je ne vais pas dire ça parce que je lui prends une nouvelle tâche de main, mais à chaque fois, il se plaint du trafic, et à chaque fois, c'est l'excuse quand il sort de la Q1. Donc, soit l'ingénieur, soit on fait vraiment absolument les mal les choses chez Magnussen, du côté de l'ingénierie de Magnussen, soit c'est, enfin, je sais pas, c'est incroyable qu'à chaque fois, ils disent oui, mais si je suis derrière Hülkenberg, c'est à cause du trafic. Donc, je sais pas, c'est assez bizarre. Et puis, Magnussen, je crois qu'il a eu un départ volé, quelque chose comme ça. Donc, de toute façon, bon, les As n'avaient pas marqué des points dans ces conditions. Ouais, non, c'est ça, c'était un peu mission impossible pour eux. Il y a un petit peu de news, eux, de leur côté, hors piste, puisque, a priori, Oli Berman aurait signé pour l'an prochain. Alors bon, c'est une surprise sans en être une, puisque c'est un pilote qui, depuis fin 2023, a quand même reçoit les louanges d'Hayao Komatsu, qui est maintenant le directeur de l'équipe, et à qui on a confié un programme d'essai intense avec 6 EL1 cette année, et dans le but de le valider sa titularisation. Donc ce n'est pas surprenant. Ce qui est surprenant, c'est presque le timing, ça arrive assez tôt. Donc ce qui veut dire que Berman fait le taf, en fait. Alors je vois beaucoup de monde critiquer sa saison en F2, mais je pense que si là, récemment, il est encore moins bien en F2, ce qui, à mon avis, il n'y est plus du tout. J'ai tendance à penser qu'il est full concentré sur sa préparation Formule 1, ce qui est dommage, hein, c'est, attention, c'est dommage pour son équipe de F2, mais pour lui, bah, c'est compréhensible. Et je pense que ça reste un excellent pilote de Formule 1, de ce qu'on en a vu, et je pense que c'est une très bonne idée de la part de Haas, qui normalement, si tout se passe bien, devrait aussi enregistrer l'arrivée d'Esteban Ocon. Ça, c'est la piste la plus probable à côté de Berman, mais en tout cas, Berman, ça pourrait être annoncé normalement avant le Grand Prix de Grande-Bretagne. Oui, c'est comme il est britannique, effectivement, ça sera annoncé chez lui. Donc, s'il y a un live demain, on pensait plutôt à Sainz qu'à Berman, ouais, pour une annonce. Mais ouais, effectivement, Berman, on s'achemine vers une annonce à son Grand Prix. Oui, son Grand Prix à domicile aussi, il sera en F2. Voilà, mais je trouve quand même dommage qu'il ait un peu lâché la F2, parce que c'est quand même extrêmement formateur comme catégorie. Ouais. Donc attention, effectivement, même si lui-même a dit que ce genre de rumeur ne me sert pas, effectivement, ça le déconcentre plus qu'autre chose. Donc voilà, à lui aussi de montrer qu'il est capable de rester étanche à ce genre de pression et à dérouler une saison, même si c'est en F2. Ouais. Justement, c'est extrêmement compétitif, la F2, donc à lui aussi de se forger un caractère. Et peut-être que justement, cette signature, voilà, j'ai mon bac en F1 pour 2025, peut-être que ça va être aussi un moment déclencheur pour lui en F2 pour dérouler une super fin de saison. Hein. Qui sait? Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça nous en dira beaucoup plus sur le personnage. Ça nous en dira beaucoup plus sur son mental. Si effectivement, voilà. Il faut souligner que Préma est à la rue cette aussi. Année. Oui, aussi. Et ça n'aide pas. Hein. Antonelli, en fait, elle a super formé. Il n'a pas des résultats extraordinaires, mais il a battu sèchement Berman ce week-end-là en Espagne, parce que Préma n'y est pas cette année. Hein. Et donc, avec une charrue inconduisible, hein, Antonelli quand même arrive à sortir des belles perfs. Elle arrive à s'en sortir, notamment face à Berman, puis sa comparaison directe, hein, ce qui doit plutôt aller dans le sens de Toto Wolff. Hein. Donc ouais, il faut quand même souligner ça aussi. C'est dommage parce que Préma fait tout le temps de l'excellent boulot. Hein. C'est l'ancienne équipe de Charles Leclerc. C'est l'ancienne équipe des grands champions de ces dernières années en F2. Et cette année, ça ne va pas du tout. Ouais. Avec la nouvelle F2. Donc, c'est aussi ça qui peut entrer en compte et qui doit jouer dans la démotivation de Berman, je pense. Ouais, en tout cas, Magnussen exit, je pense, de la F1. Oui, je pense. Donc ce sera un duo Bottas-Berman ou un duo Ocon-Berman, voilà, ça va voilà. Parce que chez Audi, ça se jouera certainement entre Ocon et Gasly. Bizarrement, les deux vont encore se retrouver en compétition ailleurs, mais ils seront pas tous les deux au même endroit. Et voilà, donc c'est voilà un petit peu comment ça se profile sur le marché des transferts. On commence à y voir un petit peu plus clair. Tout à fait. Et je vais enchaîner sur le marché des transferts chez Aston Martin, puisqu'une annonce devrait arriver prochainement. Vous ne l'avez pas vu venir, nous ne l'avons pas vu venir, nous ferons une émission de 4 heures si cela arrive, puisque Lance Stroll devrait normalement être officialisé pour la saison 2025 dans les prochains jours. Sans déconner. Alors apparemment, moi je ne tiens plus compte du moment des annonces et nécessités, mais apparemment ce n'est pas encore fait. Même si il a son petit siège. Il a partout de papier à la maison, il était quelque part le contrat, il ne sait pas où il l'a foutu. En fait. En revanche, il y a vraiment chez Aston, il pourrait avoir une signature qui serait la plus inattendue et qui mériterait une émission de 4 heures. C'est la rumeur Newey qui monte chez Aston. Il y a quelques semaines, c'était plutôt Newey ou Cardinale. Ouais. Voilà, et donc là, la tendance, c'est Aston Martin. Il y a quelques jours, Alonso a dit oui, lorsqu'il a dit, donc on peut en parler, mais Aston doit moins parler et plus performer. Mais il a dit aussi que je suis heureux de voir que l'équipe arrive, on parle de grands noms qui sont en circulation chez nous. Et aujourd'hui, on a Mike Krack qui en a remis une petite couche en disant, c'est vrai, je suis très heureux de voir que notre projet est trouvé crédible par des personnes hautement reconnues et très très connues pour leurs grandes compétences techniques. Donc voilà. Alors je pense, il pense peut-être à Dan Fallows, qui était l'ancien adjoint, le chef de l'aéro chez Red Bull, mais c'est un petit peu la rumeur, la tendance qui monte. Hein. On se rapprocherait plus d'une signature de Newey chez Aston, même si plutôt que chez Ferrari, même si évidemment tout est au conditionnel, hein, ça serait voilà effectivement un grand témoignage de la viabilité du projet Aston. Il faut oublier donc il y a l'ancien adjoint de Newey chez Aston. Ça implique aussi de rester en Angleterre. Ça peut peut-être jouer hein, dans la famille Newey. Hein. Il y a la femme de Newey qui a fait un post amusé avec une bière en disant voilà, pour l'instant il boit des bières, hein, donc il peut aussi partir tout simplement à la retraite. Hein, peut-être qu'il y a aussi cet aspect-là, hein, ne pas déménager en Italie qui peut compter. Voilà, ça serait bien aussi hein, pour attirer, pour calmer aussi Alonso qui commence un peu à s'énerver. Il va peut-être falloir juste peut-être modifier ton article que tu as préparé pour demain, Alex, car ce soir ça a un petit peu bougé du côté d'Italie et ils annoncent plutôt Enrico Cardile en départ Ouais. chez Aston Martin et Newey du coup à la place de Cardile chez Ferrari. Donc Newey qui reviendrait avec plus qu'un rôle de consultant chez Ferrari, au moins pour les 2 premières années. Histoire de bien lancer le programme 2026 et 2027. Donc voilà, faudra nuancer un peu l'article qu'on a préparé, mais ça, voilà, c'est en train de bouger un petit peu du côté de l'Italie, et que Dan Fallows justement serait plutôt rétrogradé, il ne donnerait pas satisfaction à Lawrence Stroll. Donc c'est voilà, ça bouge vraiment beaucoup. Donc bon, ça reste évidemment des rumeurs, mais c'est en train de prendre cette tournure-là. Donc ouais, la vérité d'il y a quelques heures n'est pas encore celle de ce soir. Il sera peut-être encore différent demain matin au réveil. Après, peut-être que Briatore va faire un autre coup et que on ne sait pas. Oui, chez Alpine. Ouais, alors là, du coup, tu nous mets le feu aux Français, mais je pense pas qu'on ne pourrait pas trop rêver à un moment donné, parce que avec 25 millions chez Alpine, ils font beaucoup, beaucoup de choses. Ouais. Alors, Guigui demande quid de Loïc Serra. Loïc Serra sera directeur de la performance, donc lui, c'est Oui. un métier de coordination presque plus que de recherche technique. Mais effectivement, du coup, ça a du sens parce que en fait, le blocage que les rumeurs faisaient à l'arrivée de Newey au-delà de l'Italie, c'était qu'il y avait une équipe technique qui était bien en place et que ça servait à rien de perturber son équilibre. Mais si Cardile, qui est la base de ce développement technique, n'est plus là, bah la place elle est toute trouvée pour Newey. Et du coup, Ça. effectivement, il peut largement trouver sa place. Donc ça, c'est super intéressant. Et du coup, effectivement, par contre, la rétrogradation de Dan Fallows, je l'avais pas trop vu venir. J'avoue que Non, il a non. quand même permis que Aston fasse un énorme bond en avant l'an dernier. C'est le management de Lawrence Stroll, hein. Tu sais, si ça marche pas pendant Très quelques dur, mois, tout ça, c'est ça. Je pense pas qu'ils en soient au point de se séparer de lui, parce qu'il est quand même un grand cerveau, mais peut-être bah, retour à un poste de numéro 2 comme il l'avait chez Red Bull, quoi, en fait. Peut-être plus sur son domaine de compétences qui est l'aéro, quoi. Voilà. ouais. Ça peut le faire aussi, ouais. Et Mais ce puis. passé de Palo, je n'y crois pas. Enfin, ce serait Oui, non. étonnant, parce que ce serait un des grands noms à signer rapidement, quoi. C'est clair. Sauf s'il a envie de partir, évidemment, s'il se fait rétrograder et qu'il est obligé de partir. Je Oui. pense qu'effectivement, il s'en ira, mais où? Bon, je pense qu'il y a plein d'équipes qui seraient ravies de le récupérer. Alpine? Notamment. Notamment. Bon, après, sur le plan sportif, Aston, c'était pas fou, hein. 12e Alonso, 14e Stroll. Le week-end n'a pas été terrible, globalement. À domicile, ouais, c'est difficile pour faire un dos, mais bon. Ouais. Il y a de la frustration, on sent les Il réponses. était heureux d'une 11e place Mmh. En qualif, quoi. Ouais. Et malgré tout, ses réponses aux questions sont de plus en plus courtes. Donc ça montre aussi que Alonso en a un petit peu marre, parce que plus ça va, moins il parle, moins je trouve vachement renfermé, ce qu'il est rarement. Et ouais, c'est peut-être un petit peu compliqué. Donc Ouais, parce qu'il a encore une bonne année à passer, une année et demie, avant de voir ce que le vaut le projet 2026. Et si le projet 2026 n'est pas dans le coup, ben, ouais, ça aurait été très long et prolongé pour un peu rien, quoi. Mais bon, alors, c'est le jeu aussi, hein. Oui, tout à fait. Alka pose une question, et Mercedes a modifié son train arrière, et vu que Aston utilise ce même train, il reçoit aussi l'évolution. Non, tout simplement parce que la voiture est conçue autour du train arrière de base de 2024, et que tu ne peux pas changer de train arrière si tu ne changes pas le reste de la voiture, parce que c'est quand même ultra important pour l'aéro et pour la performance de la voiture. Donc ils peuvent ensuite avoir les données de ce train arrière et faire une voiture autour de ça pour récupérer l'évolution quand ils le voudront, mais dans le cas d'une équipe cliente, généralement ça peut attendre jusqu'à la saison suivante. Puisque c'est quand même compliqué pour une équipe qui prend les solutions techniques de la même année d'avoir des solutions qui évoluent aussi vite, et ça fait beaucoup de travail des fois sur des choses qui n'étaient pas prévues, puisque les équipes ont leur carnet de route, et du coup elles peuvent pas le modifier juste parce que leur fournisseur a modifié les pièces. Donc là-dessus c'est aussi compliqué, mais bon, de toute façon c'est clairement les évolutions qui pêchent, hein. Il n'y a pas assez de progrès. Quand on voit les évolutions par rapport à l'an dernier, il y a du Grand Prix d'Espagne 2023 au Grand Prix d'Espagne 2024, il y a la seule équipe qui a moins progressé en termes de chrono, c'est Alpine. Hein, donc, c'est pas compliqué. Guy qui demande, mais j'ai cru lire que Ferrari chercherait un client pour 2026 car Sauber aura un moteur Audi. Une opportunité pour Alpine avec Briatore au milieu de négociations. C'est pas impossible, mais mais c'est pas la priorité, je pense. Et puis encore une fois, Alpine Ferrari, quand t'as dit que tu voulais te Ferrari à la française, faut le digérer. Bah si, ça y est, ils l'ont. Ouais, c'est ça. Mais faut le digérer quand même. Et puis après, Ferrari peut aussi très bien n'avoir que deux équipes. Et oui, rien ne les force de toute façon. Et ça peut faire des synergies plus importantes avec Haas. Le premier qui serait forcé si Alpine arrêtait son propre moteur, c'est Honda, qui n'aura qu'un seul client. C'est ça. Ce qui n'est pas non plus un mauvais coup, puisque Honda, ils sont quand même aujourd'hui à la pointe de la F1 avec leur moteur. Donc. Alcadi, Aston est incapable de faire des évolutions. Bah, pas forcément, paradoxalement, les meilleures évolutions qu'ils ont faites, c'était en 2022, quand la voiture n'était pas bonne, et où les packages de Barcelone et puis de celui de fin d'année, qui arrive à la fin de la saison européenne, je crois, sont hyper bons. Et l'équipe finit quatrième force du plateau. Donc, ils savent faire, c'est juste que depuis qu'ils ont une voiture qui fonctionne, ils ont du mal à trouver les petits trucs qui manquent. Voilà. Moi, personnellement, j'ai rien de plus à rajouter. Hein. Pour l'instant, ils tiennent la cinquième place au championnat, mais ça reste quand même un peu inquiétant pour la suite. On va ensuite parler de Steak. Steak F1 avec la 13e place de Guanyu Zhou et la 16e place de Valtteri Bottas. Les deux pilotes sont passés en Q2. Donc ça, c'était quand même une bonne nouvelle parce que la voiture recevait des évolutions. Pas énormément, mais c'était un aileron arrière qui était très attendu. Et puis, il y avait eu des évolutions précédentes avec lesquelles sûrement l'aileron marche mieux. Et bon, alors c'est pas la panacée, hein, ça reste quand même 13e et 16e, mais c'est une course où personne n'a abandonné. Et finalement, ils sont pas loin des Aston et ils sont dans le bon groupe cette fois. Surtout que leur point faible, c'était les qualifs, notamment lors des dernières courses, et Bottas était à un dixième de la Q3. Ouais. Donc, c'est pas passé très loin. Donc, c'est surtout Bottas qui a fait un bien meilleur samedi que Joe. Hein. Ça fait plusieurs courses hein, que Bottas est clairement devant Joe. Donc, il y a aussi début de saison. Hein. Mais là, vraiment, l'écart, c'est vraiment encore plus creusé. Et sur un circuit, peut-être où il y a moins de vibreurs, etc., ça a peut-être profité à la Steak, donc, qui était. Ça reste évidemment insuffisant pour marquer des points, mais ce n'est pas la déprime absolue qu'il pouvait y avoir il y a quelques courses encore. Donc il y avait un peu de mieux pour les Steaks. Puis voilà, Bottas qui a aussi pâti, je pense, d'une mauvaise stratégie. On avait une bonne entente entre les deux pilotes qui se sont échangés des positions qu'on fait du mieux possible. Mais c'était une course encourageante, alors que pour le moment, c'était plutôt désespérant chez Steak. Ouais. Alors, je tiens à dire quand même que Joe est à 5 dixièmes de Bottas en Q2, ce qui est toujours moins que l'écart entre Verstappen et Perez. Mais parce que c'est la première fois d'année qu'il n'est pas sorti en Q. Ouais. Qu'il n'est pas sorti dès la Q. Et c'est la première fois depuis un petit paquet de temps qu'il n'est pas 20e sur la grille aussi. Enfin, 20e des qualifs en tout cas. Franck, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter sur Steak. Non, je ne veux pas pouligouer plus que ça, effectivement. Bah, heureusement pour eux, si les évolutions vont enfin dans le bon sens, on rappelle quand même que ça reste une grille extrêmement serrée, hein, puisqu'on est sur je crois que sur la Q2, on est en. Ouais, c'est ça, on est en 1-11-8 pour. Pardon, on est en 1-11-6 pour Verstappen, on est en 1-12-2 pour Bottas, il y a moins de 6 dixièmes quand même entre Verstappen et Bottas. sur un circuit comme Barcelone, c'est peu. Hein. Donc, c'est, voilà, ça nous dit là, quand même la qualité et la compétitivité du plateau. Donc, l'important est quand même d'inverser la tendance pour eux, pas tellement en termes de résultats purs, même si c'est important, surtout pour montrer que bah, l'équipe d'Inuit, elle sait fonctionner dans le bon sens, parce que derrière, il y a Audi qui forcément arrive, et il faut redonner un petit peu, voilà, un petit peu de morale aussi aux troupes qui préparent tout ça derrière en arrière-plan. Et voilà, donc si ça repart dans le bon sens, au moins, c'est bien, quoi, parce qu'on n'a rien de pire qu'une de voir une équipe qui s'enfoncerait vers la fin du classement et qui commencerait à avoir un écart grandir et grandir. Et là, c'est pas du tout le cas, quoi. On est quand même sur des très très bonnes performances. Hein. On est en, voilà, comme je disais, on est en 1-12-2 effectivement sur Verstappen. On est en 1-11-6 pour Verstappen et en 1-12-2 pour Bottas. On est à moins de 6e quand même. Hein. Donc, ouais. Donc c'est quand même quelque chose de très très honorable sur une qualification. Effectivement, bon, après en course, ben voilà, il y a quand même beaucoup de gens dans ces sixièmes là, malheureusement pour eux, donc c'est pas encore 2 points pour eux, c'est encore la seule équipe qui n'a pas de marqué de points cette saison, mais s'ils se remettent dans ce paquet là, effectivement, de la 11, 12, 13e place, ça pourrait marquer un point ou deux dans les prochaines courses si la tendance vue à Barcelone s'amorce réellement, c'est ça. Du coup, ensuite, alors l'équipe qui a presque le plus déçu de ce week-end, c'est RBF1, qui n'a pas réussi à mettre une roue devant l'autre de tout le week-end. Ricciardo finit 15e et était plutôt content. Donc ça montre quand même à quel point c'était pas terrible. Et Tsunoda termine 19e après un week-end où il n'a pas du tout été là. L'équipe garde pour l'instant une marge sur sa 6e place au championnat, mais c'était un week-end où elle était quasiment l'équipe qui apportait le plus d'évolution ouais. Par Red Bull. Et c'est un petit peu inquiétant de voir justement que toutes ces évolutions semblent ne pas avoir fonctionné. Alors après, bon, il y a aussi la possibilité qu'ils n'aient pas encore comprises et que derrière ça aille mieux, mais ne pas voir de progression et voir l'équipe se faire engloutir dans le peloton comme ça alors qu'elle a une voiture qui a quand même beaucoup changé, c'est pour moi un grand... Enfin, ça peut être une inquiétude et la possibilité de voir l'équipe revenir en arrière en termes de choix techniques. Ouais. Ouais, on avait du fond, un nouveau fond plat, un nouvel aileron arrière, je crois un nouveau bodywork chez RBF1 et ça a fait reculer la voiture. Alors c'est un peu le même débat chez Ferrari, hein. Est-ce que c'est les évolutions qui sont ratées ou est-ce qu'ils n'ont pas trouvé les beaux réglages pour les faire fonctionner? Et donc voilà, même problème que chez Ferrari, le prochain week-end on a une heure seulement d'essai libre, donc autrement dit ça passe ou ça casse, il faudra très vite trouver la solution, hein, surtout qu'il y avait quand même voilà, des évolutions importantes qu'il y avait, pas mal d'attentes bon, qui étaient minorées par Tsunoda dans la presse, mais c'est toujours un peu le jeu. Voilà, je pense que c'est un coup de bambou pour ABFA. Voilà, est-ce que c'est lié au circuit, au réglage? Ben voilà, on aura la réponse dans 3 jours. Ouais, grosse chute en l'espace d'un Grand Prix. Mais bon, grosse chute, c'est-à-dire c'est même pas... Ouais, c'est quelques dixièmes, même pas. Il passe effectivement de cinquième force du plateau à presque avant-dernière hein, sur ce coup-là. La seule chose rassurante pour eux à noter des déclarations des pilotes, c'est que au moins la voiture était saine à piloter. L'équilibre était bon. Ils se sentaient bien, les pilotes se sentaient bien à l'aise au volant. Donc ça, c'est déjà moins un aspect positif. Maintenant, effectivement, voilà, c'est le premier Grand Prix. Il y a tout un barda d'évolution qui a été déployé. Malheureusement pour eux, c'est un début d'un triplé de course, donc c'est extrêmement difficile d'analyser tout ça. Voilà, il y aurait eu 15 jours, ce serait peut-être plus simple. Là, il va falloir être directement dans le rythme en Autriche. Je pense que la compréhension, en plus, sera plus à l'aise. Ils seront peut-être plus à l'aise pour Silverstone, où là, vraiment, on est vraiment prêt sur un circuit très technique, très rapide, avec énormément d'appui et de charge à gérer. Donc, peut-être que le Red Bull Ring, malheureusement, un grand prix à domicile pour Red Bull, et voilà, on sait que RBF1, c'est l'équipe sœur de Red Bull, c'est une équipe de Red Bull. Ça sera peut-être encore un peu juste pour l'Autriche, mais on n'est pas à l'abri qu'ils trouvent le bon réglage dès les essais libres, les uniques, et que ça revienne dans le bon peloton. Voilà, donc effectivement, tu dis c'était peut-être la plus grosse déception. Moi, c'est la grosse déception du week-end, effectivement. En tout cas, en termes de recul de place. Après, en termes de performance, on est à 8-10e, grosso modo, sur la Q1. C'est Hamilton qui fait le meilleur temps de la Q1. Ils sont à 8-10e après avec Tsunoda et Ricciardo. C'est à peu près tous les deux dans le même mouchoir aussi. Donc, et je tire aussi, du coup, en conséquence que Ricciardo aussi était encore une fois solide ce week-end-là par rapport à son équipier. Parce qu'il ne faut pas oublier cet enjeu interne aussi pour Ricciardo de rester collé au basque de Tsunoda, voire de le devancer, histoire d'assurer sa place pour 2025, ce qui n'est pas encore fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur RBF1. Donc, prochain chapitre en Autriche pour voir effectivement si c'est juste une histoire de compréhension des évolutions. Ouais, c'est tout à fait. Ce serait un petit peu, pour eux, c'est un petit peu crucial de faire des bonnes choses ce week-end quand même. Et la dernière équipe dont on va parler, c'est Williams. Alex Albon termine 18e, Logan Sargeant termine 20e. Un week-end très compliqué pour Williams, dont la voiture n'a apparemment pas du tout apprécié la chaleur. Dès le début du week-end, ils n'étaient pas du tout dedans, et puis ça n'a pas été, ça n'a pas été facile hein, pour eux. Y a pas, malheureusement, c'est vrai que c'est un week-end sans aussi. Sur un circuit, ils ne s'attendaient pas forcément à souffrir autant, mais ils ne s'attendaient pas non plus à un très bon week-end. Donc, c'est pas, il n'y a pas non plus d'alarme à tirer ou quoi que ce soit. Mais, oui, sur une seconde hein, du voilà. Meilleur temps de Q1. Il n'y a pas un gros écart, il n'y a pas quelque chose d'incompréhensible, ils sont juste plus loin que les autres. Mais encore une fois, bah là, on est un peu sur la même analyse que les trois équipes précédentes, c'est que c'est une équipe, une Formule 1 qui est très serrée actuellement, et les moindres dixièmes perdus pour des raisons de fonctionnement des pneus, de réglage, ou même de température et de sensibilité au vent, bah ça va coûter très cher, et là, c'est vrai que pour Williams, ça a renvoyé l'équipe en fond de grille tout le week-end. Quoi. Je ne sais pas si vous avez... quelque chose à rajouter là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un petit peu l'équipe la plus... Enfin, ces équipes de fond de grille, malheureusement, c'est, quand il y a des grands prix comme ça, c'est compliqué à analyser, parce qu'au final, il n'y a vraiment rien qui a l'air de très mal fait, il n'y avait pas de catastrophe particulière, mais... Bon, Albon pas très content sur certains aspects opérationnels aussi, ouais. On l'a vu assez... un peu, voilà, maugréer un peu à la radio, voilà, quand son ingénieur dit que tout va bien, que ça fait à peine 5 secondes qu'il était sorti dans les graviers, il dit comment tu peux me dire ça alors que ça fait 5 secondes que j'ai retrouvé la piste. Ouais. Donc, ouais, effectivement, c'est peut-être un peu tôt pour dire au pilote qu'effectivement, il n'y a pas eu de dégâts sur sa voiture. Et Sargeant, il a une tête, des mauvais jours minables tout le week-end. Ouais. Je pense que lui, c'est de toute façon que son sort est scellé. Et je pense qu'il a dû l'apprendre, du coup, aussi ce week-end. C'est effectivement bah, là pour du coup faire la dernière transition de l'émission sur le fait que, en toute logique, normalement, on attendrait effectivement la signature de Carlos Sainz chez Williams. C'est en tout cas ce qui semble se préciser dans les toutes dernières rumeurs et que ça pourrait effectivement être annoncé. Ben, soit demain, soit jeudi, au moment où le paddock se retrouvera tout le monde se retrouvera dans le paddock en Autriche. Oui. Donc voilà, bon, après, pas de surprise sur Sargeant, je pense pas non plus qu'il espérait vraiment garder son baquet. Apparemment, son fond plat n'était pas aussi efficace que celui oui. d'Albon. C'était le premier Grand Prix où Sargeant était censé avoir exactement la même voiture qu'Albon, et donc apparemment, son nouveau fond plat allégé n'était pas si allégé. En tout cas, il y avait peut-être un problème de production. Il avait moins d'appui, en tout cas, c'est ce que Sargeant a dit. Hein. Voilà. Toujours beaucoup de Sargeant, c'est vrai, évidemment, pour moi, il ne mérite pas sa place en F1, mais il ne faut pas oublier qu'il a rarement eu la même voiture qu'Albon. Ça, il faut quand même aussi le noter. C'est pas faux, mais après, le problème, c'est qu'il a toujours les mêmes excuses et puis il y a toujours 4 dixièmes entre eux. Donc maintenant qu'il a les mêmes pièces, il y a toujours 4 dixièmes. C'est-à-dire qu'Albon, il aurait dû être encore 4 dixièmes meilleur que ça avant. Et c'est pas le cas. Donc, je pense pas que la différence de pièces, ça valait 4 dixièmes. À mon avis, c'était effectivement quelques centièmes, voire un dixième au mieux. C'est un peu la norme aujourd'hui en F1. Hein, les évolutions, c'est. On travaille des évolutions au centième, voire un dixième au grand maximum en général. À part les gros sauts de technologie comme McLaren l'a fait l'an dernier ou Aston Martin lors de l'hiver précédent. Mais voilà, on travaille là-dessus maintenant. Donc, effectivement, la Williams aussi n'était pas au poids. Et elle ne l'est toujours pas. Mais voilà, ça ne vaut pas 4 dixièmes au tour en tout cas. Et voilà, puis ça reste brouillon aussi. Hein, donc, voilà, la sanction tombera pour Logan Sargeant, qui n'était pas pour moi un Latifi en puissance. Il était beaucoup plus proche de Latifi, donc il ne faudra pas le cataloguer sur le même niveau, clairement pour moi. Mais voilà, aujourd'hui, la F1, c'est dès que vous êtes 2-3e derrière votre équipier, ça commence à faire mal. Quoi, voilà. Clairement. C'est vrai que c'est un petit peu la conclusion qu'on peut tirer. Voilà pour ce Grand Prix d'Espagne qui a été quand même plus sympa que les autres. Moi, je maintiens que c'était pas la course ennuyeuse qu'on craignait. La pluie l'a épargné alors qu'on pensait qu'elle allait arriver, mais ça n'a pas empêché qu'on ait quand même des belles choses à voir. Je pense que le spectacle sera au rendez-vous ce week-end en Autriche parce que le Red Bull Ring offre toujours des belles courses. Quand il y a un sprint, ça offre aussi des beaux sprints. Donc soyez là dès vendredi, hein, puisqu'il y a les qualifs du sprint. Alors je sais plus l'heure, j'ai fait la présentation aujourd'hui. C'est 12h30 les essais libres et c'est 12h30, 13h, c'est 17h. Hein, ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, Ouais, c'est ça. le lendemain, il y aura le sprint à midi et les qualifs à midi 13h et les qualifs à 16h. Donc, Ils annoncent de la pluie pour dimanche. ah bah, voilà, alors ça sera encore plus. C'est pas souvent les courses sous la pluie en Autriche. Il y a 50% de chances de pluie au moment du départ de la course pour l'instant. Bon, après, ça reste Oui, encore un ça peu loin c'est loin, dimanche, mais. mais les montagnes là-bas réservent toujours pas mal de surprises. Ouais, clairement, ça peut vite changer. Et puis, c'est un circuit qui pardonne pas. Ils ont rajouté des graviers dans les deux derniers virages qui sont souvent. Alors bon, c'est une bande de graviers, c'est pas énorme, mais c'est suffisant pour possiblement pénaliser les pilotes qui sortiraient un peu large. Le but, c'est aussi de ne pas avoir le fiasco des limites de piste de l'an dernier, puisque ça avait fait n'importe quoi au niveau de. 1200 infractions. Voilà, exactement, avec un barème de pénalité qui avait été appliqué par la suite de la course. Enfin, c'était absolument n'importe quoi. Mais bon, en tout cas, ça devrait être très sympa. Donc, suivez bien évidemment Next Gen Auto dès jeudi. Il y aura, tout comme toujours, les conférences de presse d'avant week-end. Et puis, on aura donc essai libre, juste une séance, et les qualifs sprint vendredi, le sprint et les qualifs samedi, la course dimanche. Nous, on se retrouvera évidemment mardi prochain dans Grand Prix pour un débrief de ce nouveau week-end. On arrivera à la mi-saison ou pas? C'est le 11e? Je sais même plus si c'est le 11e ou le 12e. 12e en 12e, Autriche. donc on arrive à la Bien. mi-saison. En plus, on aurait fait 3 sprints, donc vraiment mi-saison parfaite. Et finalement, une saison qui s'annonce quand même plus disputée, comme on l'avait dit, que prévu, même si Verstappen a encore de l'avance. Donc voilà. Restez bien avec nous, restez bien avec nous pour les news qui pourraient tomber même avant. Et puis, nous, bah, comme on vous a dit, on reprendra le micro et la caméra si il y a des choses à annoncer pour vous faire un petit peu de débrief et de réponse à vos questions. Merci Alex, merci Franck. Merci Merci. à tout le monde, merci au chat. Voilà, merci au chat, merci à tous ceux et celles qui nous suivent. Encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre la chaîne pour avoir les informations de quand on passe en live. Vous abonner si vous le voulez, puisque ça nous permet de nous soutenir pour qu'on fasse plus de contenu. Allez, Lambo Diablo demande quels sont vos pronos pour l'Autriche. Alors, messieurs, Ah oui. rapidement, donnez-moi votre podium, comme ça au moins on s'engage un petit peu, histoire de pouvoir en discuter le week-end prochain. Norris, Verstappen, Leclerc. Ok. Norris, Hamilton, Verstappen. Moi, je mets. Je mets. Ouais, je vais mettre Norris, Hamilton, Leclerc. Comme ça, au moins. Je prédis à Tout le monde voit Verstappen. Norris gagner. Ouais, moi, je vais même pas Verstappen sur Ah. le podium, histoire de s'amuser un peu. Bah, ouais, on l'a dit, les facilités de la McLaren sur ce genre de virage-là, plus ça devrait bien payer. Je les vois bien Et là-dessus. je prédis une 12e place à l'arrivée pour Sergio Pérez. Voilà, comme ça au moins. Mais tout ira bien, comme dirait Christian Horner, puisque Oui. on est toujours devant. C'est une simulation, il finit ses 12e en qualif. Parfait. Ça va le mettre en confiance. Ça lui enlève de la pression, c'est bien. Ouais. Merci tout le On l'a monde. prolongé pour 8 ans. Ah, c'est une valeur sûre, ça a une valeur d'avenir de toute façon. Ouais, Sergio P13, comme dit Warius. Bon, Sergio P16 aussi pour ceux qui veulent, n'hésitez pas. Merci tout le monde, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour voir si nos conneries auront été réalisées ou si finalement il y aura d'autres choses qui se seront passées. Bonne semaine, bon week-end à tout le monde, et puis à très bientôt. Ciao. Ciao. Au revoir, merci.